Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Salut. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. Alors messieurs, on se retrouve en live pour un épisode bonus. C'est un petit peu surprenant j'imagine pour les gens qui nous suivent sur leurs applis, sur les flux audio. Mais voilà, c'est la surprise, on s'était dit pour fêter les 2 ans de l'émission, puisqu'elle avait commencé fin novembre 2018. Oui. Voilà, on s'est dit qu'on allait faire un petit quelque chose. C'est aussi pour fêter voilà, tous les paliers Patreon qu'on a passés depuis le début de notre existence. Voilà, histoire de fêter un petit peu ça. Donc voilà, épisode complètement bonus. Deux petits disclaimers. Le premier, c'est évidemment que les Patriotes ne seront pas débités pour cet épisode, hein, puisque c'est vraiment un truc qu'on fait comme ça à la cool. C'est cadeau, pas du tout, c'est cadeau, c'est pour vous. Exactement, c'est vraiment cadeau. C'est pas du tout un épisode qui nous a pris le même temps de préparation que d'habitude. Donc c'est évidemment gratuit, mais bon, c'est gratuit pour tout le monde. Mais bon, voilà, vous m'avez compris. Et le deuxième disclaimer, c'est qu'on n'a pas forcément le même setup que d'habitude. Là, on est sur un seul micro. Les gens qui sont en live peuvent en témoigner. D'habitude, on a chacun notre micro. Donc voilà, le son sera peut-être un petit peu moins agréable à écouter que d'habitude. Mais bon, voilà, encore une fois, épisode bonus, setup bonus. Donc, on se permet tous les trucs à l'arrache. Voilà, c'est ça. On a le droit, voilà, mais aussi, de faire des podcasts à l'arrache aussi. Est-ce que, voilà, on s'offre ça? Alors, juste peut-être le programme, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce podcast? Eh bien, l'idée, c'était de faire un petit bilan, dans un premier temps, bah, voilà, de l'émission, revenir un peu sur ces 2 années, toutes ces cérémonies, la remise des Oscars, évidemment. Ah, tout ça, en fait, tout ça. Tous les prix qu'on a reçus, évidemment. Non, mais faire un petit bilan, quoi, tu vois, simplement raconter ce que ça nous a apporté, peut-être des petits souvenirs, des petites anecdotes, des trucs un peu faciles, comment on vit l'évolution de l'émission, parler un petit peu de l'année en termes de jeux vidéo, parce que bon, l'année tout court en termes de pas jeux vidéo, c'était un peu de la merde, hein, on va éviter de trop insister là-dessus. Qu'est-ce qu'on avait prévu d'autre? On parlait aussi des jeux de cette année dont on aimerait parler l'année prochaine. Exactement, ouais, un petit peu le jeu fin du game. C'est un terme qu'on a déposé. Ah bah, il y en a beaucoup des termes déposés chez fin du game. Hein, mais paysage. Doit-on prononcer tout de suite? Je ne sais pas. Peut-être pas. Il y a des gens qui font un jeu, ils font des jeux à boire, donc on va peut-être pas tout de suite les mettre mal. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est répondre à quelques questions. À la fois des questions qui reviennent souvent pendant les. À la fois sur le Discord, sur Twitter, des choses qu'on. Voilà, des petites remarques, questions qui reviennent régulièrement. On va essayer de mettre un petit peu tout ça à plat. Et puis, bah, pourquoi pas, comme on est quand même en live là, on va en profiter. Peut-être qu'on prendra des petites questions dans le chat à ce moment-là de l'émission. On vous préviendra de toute façon, parce que bon, on voit le chat, on vous lit, hein, y a pas de problème, mais du coup on va faire notre petite popote comme d'habitude, à peu près comme d'habitude, parce que en temps normal, un épisode on prépare entre 6 et 8 heures à peu près en amont de réunion, plus les temps de jeu, donc ça fait vraiment beaucoup d'heures. Et là, je pense qu'on a bien passé une demi-heure, voire trois quarts d'heure. Non, il faut dire les choses, on en a parlé la semaine dernière, on a parlé 2-3 heures. Il y a un prompteur ici, vous voyez le téléphone en bas pour les personnes. Ouais. En live, c'est comme ça qu'on bosse. En général, on a tous le petit prompteur, le plan. Il y en a un. Je n'ai pas zoomé parce que peut-être des bêtises écrites dessus. J'ai pas fait. Non, non, je n'ai rien écrit. Je n'ai pas écrit de référence rap dégueulasse. Parler du Patreon 5 fois par. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas remercié les Patreons. On n'a pas remercié Fleur d'édition. C'est une intro un peu particulière. Ouais, voilà. On est un petit peu. Voilà, c'est en live, donc on a. Il n'y aura pas de générique de musique non plus. D'ailleurs, en fait, je suis en train de calculer. On peut vous mémer quelque chose. La musique à la bouche. Il y avait des gens qui. D'acapella. Non, moi j'ai dit ça. C'est pas un palier Patreon. C'est un Kickstarter qui. on va pas se lancer comme ça. Bon, très bien. Bah, écoutez, on va vraiment commencer l'émission. Donc, dans un premier temps, on va essayer de revenir un petit peu sur l'émission en tant que telle. Fin du game. Qu'est-ce que ça a changé dans vos vies? J'ai envie de le savoir. Non, pour revenir un petit peu, c'est vrai que je pense que le premier truc à dire avec Fin du Game, bah, c'est quand même que l'émission, c'est un succès. Je crois qu'on l'a vraiment vu là quand il y a Spotify qui a fait un petit peu leur ouais. bilan. Tous les gens qui nous ont envoyé le temps qu'ils ont passé avec nous. Et puis nous aussi, de notre côté, on a eu une espèce de petits bilans avec des chiffres, le nombre de personnes qu'on a, dont Fin du Game et l'émission la plus écoutée, c'était assez hallucinant, c'était un truc genre 16 000 ou je sais ouais, pas quoi. La façon dont c'était vraiment présenté, beaucoup, c'était ça. Ouais. Et bah en plus, assez rapidement, parce que bon, Spotify, dans l'année, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de remettre les podcasts en avant, on s'est rendu compte d'un coup qu'on était passé premier chez eux, et on l'a été quasiment toute l'année, hein, parce qu'on l'a été pendant plus de 100, je sais plus combien de jours, on était le premier podcast gaming chez eux. Ouais. Ça s'est vu de la même manière sur iTunes, sur d'autres applis. on a commencé à avoir pas mal de monde. Alors ce qui est rigolo, c'est que on a changé de fournisseur d'accès, c'était cette année ou l'année dernière, ça devait être cette année. Courant de l'année, ouais. Et ça s'appelle PodCloud. Ils ont pas forcément de logiciel de statistique qui est très poussé, donc on sait pas en fait combien de gens nous écoutent. Ouais, ça, c'est nous, on se base sur le Patreon. Mmh. Oui. On a vu le Patreon qui a explosé. Pour nous, c'est ça cette le année, chiffre. C'est tout bête à dire, mais on est passé. Je sais pas. C'est toi le maître des clés. Quoi, le nombre de Patreon? Non, mais là on est à plus de 400. Oui, plus de 400 personnes. 200 l'année dernière, enfin, ça a doublé quasiment en un an. Ouais, c'est ça le plus important, parce que autant avant on avait pas mal de statistiques d'écoute et tout, on savait qu'on était pas mal écouté, comme on le disait, il y avait les classements Spotify, mais c'est pas le plus important en fait, c'est pas tant le nombre d'écoutes qui nous importe que vraiment de voir que ce format il parle à des gens en fait qui sont prêts à soutenir ce genre de format, et c'est le cas. Après, bon voilà, Patreon, c'est vrai que alors je sais que moi c'est toujours moi qu'on parle dans les émissions, donc les gens associent peut-être ce truc. Mais on le pousse à en parler. C'est eux qui me forcent en fait. Non, mais néanmoins quand même on voit que c'est quand même, enfin moi ça me fait plaisir de taffer sur un truc un peu populaire entre guillemets, parce que bon, Game Next Door c'est assez niche en fait à l'échelle de YouTube. Bon, toi Benoît tu fais peut-être un peu plus de vues quand tu sors des tests sur des jeux comme ça, mais faut voilà pas dire. Ça reste quand même tout petit à l'échelle de ce qu'on peut voir sur YouTube, et c'est vrai que c'est super plaisant de travailler sur voilà sur un projet qui est dans les classements, qui est populaire et qui parle à beaucoup de monde, et surtout que c'était pas forcément acté dès le début, parce que on a fait ce choix là de à la fois de ne pas parler de l'actu et puis de ne pas faire de test, quoi, de se mettre un petit peu de se proposer comme une alternative au discours un petit peu traditionnel qu'on pouvait avoir dans les médias JV. Et même si rétrospectivement on peut se dire mais c'est évident parce que voilà, les gens ils jouent comme ça, ils jouent pas forcément Day One et compagnie, donc c'est logique. Mais voilà, quand on l'a lancé, on savait pas que ça allait fonctionner comme ça. Bah, pas à ce point, parce qu'en plus, c'est ce qui est cool, c'est que maintenant, on s'en rend compte, je pense, avec le recul, et bon, les confinements ont malheureusement aidé dans ce sens-là, c'est que comme on fait des épisodes qui sont pas périssables, comme le revers des épisodes qui parlent de l'actu, le point positif, c'est qu'on tombera jamais potentiellement, tu vois, à court de sujet, parce que l'actu, elle continue tout le temps, mais au bout de deux ou trois semaines, ton épisode, il suffit qu'il y ait une news, et ça met tout à plat, tout ce que t'as dit. Nous, on a essayé, au contraire, d'avoir une logique peut-être plus long-termiste, où si vous nous écoutez en 2047 ou en 2733, quand vous aurez retrouvé les ruines de notre civilisation, ce qu'on dit sur Céleste, il y a deux ans, ça reste potentiellement intéressant à écouter. Alors, il y aura peut-être des évolutions, il y aurait peut-être des nouveaux trucs, mais voilà, c'est ça, ça se réécoute, et puis ça s'écoute beaucoup plus tard, tu vois, si vous avez fait le jeu de l'épisode 50 dans deux ans, c'est pas grave en fait. Et ça colle bien à une situation de beaucoup de gens aujourd'hui, qui est d'avoir un très gros backlog, de pas trop savoir à quoi jouer, etc. Et ça fait super plaisir de voir que des gens vont planifier un petit peu leur emploi du temps en fonction des épisodes de fin du game sorti. C'est une motivation en fait à jouer à certains jeux, ou à suggérer même, puisque la plupart des jeux dont on parle sont des jeux qu'on a bien aimés ou qu'on conseille, ou en tout cas qui sont intéressants. Voilà. C'est vrai que c'est pas la règle au début, c'est pour faire une mini parenthèse. Nous, la règle, c'était juste, on va parler des jeux qu'on trouve intéressants, où il y a des choses intéressantes à dire dessus. Bon, la force des choses fait que 99% des jeux dont on parle sont bien, en tout cas on trouve qu'ils sont bien, les on jeux les qui nous intéressent en général, ouais, c'est voilà. Des jeux qui ont quelque chose qui nous interpelle. Faut qu'on y ait joué suffisamment, tu vois, pour justement se rendre compte qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors des fois, on se rend compte qu'il y a quelque chose intéressant, mais on n'a pas forcément aimé. Et là, avec l'expérience, on commence peut-être à aller vers d'autres jeux, des trucs un peu plus différents. C'était aussi l'un des objectifs du Patreon, de nous pousser, entre guillemets, à aller vers des jeux qu'on savait qu'on n'aimait pas plus, mais qu'on voulait quand même essayer de regarder, parce qu'en fait, un des objectifs de l'émission, on l'avait dit au tout début, c'est de se détacher de cette idée du seul discours qui existe aujourd'hui dans le jeu vidéo, qui est de donner son opinion. Alors, je suis mal placé pour en parler, parce que c'est quand même ce que je fais à côté. Vous avez déjà, depuis pas mal d'années, cette approche-là d'essayer de faire un peu plus de la médiation, de parler un peu plus de trucs différents. Moi, je considère qu'il y a toujours notre opinion qui teinte. Mais c'est obligé. C'est obligé, on peut pas, je pense pas qu'on peut s'extirper comme ça nous-mêmes. Tu vois, on parle pas de machine à laver, donc on peut pas juste donner des chiffres, dire oui, il y a 700 minutes ou quoi que ce soit, on n'est pas en train de compter des pixels non plus, donc il y aura forcément toujours un peu de subjectivité, ça c'est obligatoire, mais si on arrive à se détacher, à en discuter, là par exemple, l'épisode qui sort, l'épisode donc 47, si je dis pas de bêtises, c'est Skyrim, moi c'est un jeu que j'aime pas, mais c'est pas grave, j'en parle quand même et t'aimes pas, tu vois, non, mais je l'aime pour pas, moi c'est un grand mot, quand je vois comment on en a parlé dans l'épisode. C'est pas parce vraiment... Parce que justement, en fait, j'arrive à me détacher de ce que je me dis que moi, ce qui me saoule, en me disant, par contre, ce jeu-là, il apporte tel truc. Et je sais que tous les trois, ça nous est arrivé de parler de jeux dont on n'est pas particulièrement fan, et c'est cool en fait. C'est même ça en fait qui est intéressant, hein. C'était un des trucs que j'avais noté dans le petit prompteur, de dire que moi ça m'a aidé en fait à revoir un peu ma façon que j'ai de d'écrire sur les jeux dans mes vidéos, et pour ça, fin, du game setup, parce que vraiment, comme on passe vraiment beaucoup de temps sur chaque jeu, enfin tu vois, c'est toute une routine, hein, parce que vous le savez, on le dit de temps en temps, mais nous c'est un roulement qui s'arrête jamais, réalité, à part l'été quand on n'a qu'un seul épisode par mois. Dès que vous avez un épisode qui tombe dans votre appli, nous, quelques jours plus tard, on se réunit pour faire la première réunion. En général, il y en a une deuxième, voire une troisième si c'est un gros jeu. Ensuite, on enregistre et ça s'arrête pas. Donc, tout au long de l'année, on est tout le temps dedans, en fait. Moi, c'est vrai que je le vois. Moi, je le vis vraiment, fin du game, comme une espèce de centre de formation, tu sais, un peu accéléré. Parce que avant, bah, moi, je faisais pas des critiques de jeux comme ça sur GameNextDoor, c'était un peu transversal. Mais là, c'est vrai que bah, depuis 2 ans, maintenant, on enchaîne les jeux, et de faire toutes les recherches sur la création, sur la critique, sur des trucs comme ça, j'ai l'impression d'avoir appris tellement de choses en fait en 2 ans. J'avais l'impression de savoir plein de choses en fait avant d'arriver. Et maintenant, j'ai vraiment l'impression d'avoir un plus gros bagage. Et j'espère justement que c'est ça qu'on partage un petit peu à travers les épisodes. C'est tous ces trucs-là qu'on apprend, hein. C'est pas des choses qu'on sort de notre chapeau, on fait des recherches et tout. On apprend plein de choses et on essaie de vous les retransmettre au mieux. C'est pour ça qu'il y a cette construction un peu d'épisodes qui fait que voilà, on a toujours ce déroulé, on sait toujours absolument où on va. C'est il y a une partie de spontanéité, vous le verrez dans l'épisode sur si vous avez écouté les épisodes Skyrim. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas croisés. Voilà, mais voilà, on sait quand même toujours où on va, et c'est vrai que je trouve que bah c'est super formateur. Moi en tout cas, à titre très personnel, je suis super content de faire l'émission parce que j'ai l'impression d'apprendre plein de choses, quoi. Ouais, il y a une approche, je trouve, qui, quand on sait que ça fera l'objet d'un Fun Game, et maintenant on se dit que tous les jeux feront potentiellement l'objet d'un Fun Game, l'approche change, puisque c'est, on n'en sort pas juste avec une conclusion du type est-ce que j'ai aimé ou pas, est-ce que je le conseillerais ou pas. Non, il y a plus une approche de qu'est-ce que le jeu essaie de faire, de me dire quels sont les thèmes vraiment qu'il développe ou quoi. On fait des croisements avec d'autres jeux, et je trouve que ça amène un discours peut-être un petit peu plus riche, et surtout long terme, en fait, quelque chose qui peut nous accompagner toujours des années après, quoi. Et puis c'est un peu aussi ce qu'on a essayé de faire avec le Discord, c'est-à-dire que ça, on s'en est rendu compte assez rapidement quand on l'a lancé, quand on a pensé cette idée de club de lecture. Au début, c'était une blague, et en fait, on s'est rendu compte que c'était une bonne approche de se dire, on va conseiller des jeux aux gens, on va dire, on va parler de ce jeu-là, nous, on va y jouer, parce que souvent, il y a des jeux auxquels on doit jouer avant de les préparer, parce qu'on ne les avait pas fait il y a des années, vous aussi, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette idée de, on ne sait pas si ça sera très très bien, on ne sait pas si on va aimer, mais c'est pas, en fait, c'est pas grave, tu vois, c'est pas le fond du truc, c'est juste, on se dit, tiens, on va parler de Skyrim dans quelques mois, on l'essaie. Hugo, toi tu connaissais pas plus que ça, tu as quand même joué un petit peu, et on se dit, on se retrouve après tout ça, on en parle, vous aussi. Donc il y a vraiment un truc, je trouve, assez sympa dans cette approche là du jeu vidéo, qui change de d'habitude, où on n'est pas forcément collé à l'actu, et on essaye d'avoir un peu notre planning à nous. Alors ce qui est cool, c'est que l'industrie complète du jeu vidéo nous écoute et attend nos décisions. Ça c'est une autre histoire. Voilà, donc ça c'est agréable aussi de le voir, que ça se reproduit à chaque fois. Non, mais c'est marrant de voir qu'il y a des espèces d'échos, tu sais, après l'actualité. Et comme nous, on arrive toujours des mois après, on arrive toujours à se caler un moment c'est où il se passe un truc drôle. De pas être dans l'actu, mais en même temps de quand même toujours arriver à avoir un petit crochet comme ça. Bon, et en vrai, il y a pas de pouvoir, il y a pas de truc incroyable. C'est juste. C'est exactement ce que dirait quelqu'un. Dans mon prompteur, vas-y, faut pas le dire. Voilà, donc ça c'est vraiment pour l'émission. Je sais pas est-ce que toi, Maxime, t'as juste sur le club de lecture. L'idée aussi, c'est que Fun Game, il y a pas de prix sur l'industrie, il y a pas de recette magique ou quoi. En fait, c'est venu surtout d'un constat, c'est que nous, on discute entre nous, on a envie d'étudier un petit peu les jeux, où on se dit des choses entre nous. Et le club de lecture, c'est l'opportunité, tout simplement, pour les gens de reproduire ça, en fait. Hein, Fun Game, en soi, c'est juste qu'il y a une part de taf derrière, mais de base, il n'y a pas d'outils magiques, de trucs magiques. Enfin, entre guillemets, n'importe qui peut faire un Fun Game ou l'équivalent d'un Fun Game. Des gens qui discutent entre eux, c'est déjà une démarche un peu Fun Game, qui discutent du jeu. C'est juste que nous, effectivement, on va se taper un certain travail que les gens n'ont pas forcément envie de faire pour se renseigner sur les influences et tout, lire les bouquins sort d'édition quoi, mais en soi, tout le monde peut le faire. Et le club de lecture, c'est un petit peu ça aussi, tu vois, c'est amener ces discussions pour tout le monde. Et puis on le voit bien dans les discussions que vous avez entre vous, c'est-à-dire qu'on n'y participe pas toujours parce qu'il y a trop de salons et maintenant il y a trop de discussions transversales. On est bientôt 4000, je crois, membres sur le Discord, donc ça a vraiment pareil, ça a vachement monté, c'est top. Et on voit des gens qui discutent de trucs dont on n'a pas conscience, nous, quand on fait les épisodes, mais qui auraient pu être des choses qu'on aurait pu dire, donc c'est ça qui est intéressant. Oui, et puis même une fois que les épisodes sont sortis, on voit toutes les discussions et qui continuent, qui perdurent dans le temps. Enfin là, il y a encore des discussions sur des épisodes qui sont sortis il y a un an. Toujours des gens qui parlent de Céleste, parce qu'ils ont fini le jeu, et c'est ça le truc, c'est encore une fois, comme ce que tu disais, comme c'est pas périssable, vous pouvez prendre l'épisode un an après, revenir dans le salon et faire votre retour, et il y aura toujours des gens pour vous répondre, parce qu'il y a toujours quelqu'un dont c'est un peu le jeu de cœur ou un truc comme ça, et hop, ça va pouvoir échanger là-dessus. Instant mi-confident, moi j'ai mute certains chats, parce que sur Discord, moi j'ai pas mute, j'ai pas coupé les notifs, mais mon portable il est en silencieux de base, donc ça me dérange pas, mais j'ai mute typiquement Hollow Knight, tout ce qui est Dark Souls, Bloodborne et tout, parce que il y a toujours des gens qui découvrent le jeu, qui vont demander des solutions ou des avis, des conseils beaucoup aussi, et c'est vrai, et je dis ça comme si c'était chiant quoi, non c'est super, mais bon voilà, on va pas les lire à chaque fois, mais justement on laisse vivre ça dans son coin, et ce qui est génial aussi c'est qu'on a quasiment pas besoin de modération quoi, ça se passe super bien sur le club de lecture. Jusqu'ici il y a une ou deux fois où il faut mettre un petit coup de snipe, mais bon ça fait plaisir, c'est vraiment pour voir le nombre qu'on est comparé aux discussions. Assez rapidement les gens ont compris qu'on n'était pas là pour se bouffer le nez ou... Donc ça c'est top, parce que c'est ce qu'on essaye aussi de ramener à travers l'émission, c'est-à-dire que même quand alors c'est le running game, mais toujours l'exemple de l'épisode sur Détroit, qui est vraiment un des jeux que je déteste de toutes les fibres de mon corps, et quand même on a réussi à se détacher de ça et on arrive à en parler calmement. Bon, il y a du troll par-ci par-là, mais je veux dire, il y a jamais de malice dans ce qu'on essaye de dire, et ça se ressent aussi dans le Discord, et ça c'est cool. Donc si vous en faites partie, continuez d'entretenir ça, parce que c'est précieux quoi, des endroits où on se bouffe pas, on s'insulte pas quand on est en train de parler de jeux vidéo. Je sais pas si vous en avez conscience, mais ça n'existe pas partout. Donc voilà. Yep. Peut-être aussi parler un petit peu de l'évolution de l'émission. Qu'est-ce qu'on... En fait, on avait envisagé des choses, notamment par exemple l'idée de parler de saga. On s'était dit que c'était un des paliers qu'on s'était fixé, de dire voilà, on va essayer de parler de saga. On a déjà essayé plus ou moins de le faire dans l'émission. Il y a eu l'épisode sur les Souls, il y a eu l'épisode sur les Mario 3D. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, peut-être que c'est aussi le moment d'en profiter pour répondre aux réserves qu'on avait pu, aux critiques qu'on avait pu recevoir sur cet épisode, parce qu'on s'en est rendu compte nous aussi. C'est que c'est vrai qu'en prenant encore plus de recul comme ça sur des sagas, c'est vrai qu'on n'arrive peut-être pas à aller au fond, au bout des jeux comme on peut le faire avec les autres, et peut-être que ça rend pas forcément service à ces sagas. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a fait au final un épisode sur Bloodborne en tant que tel. Déjà parce que c'est le meilleur jeu du monde, mais ça je n'ai pas besoin de l'expliquer, mais parce que voilà, c'est vrai que c'était, on sentait qu'il y avait encore de la place pour dire des choses, et je pense que ça c'est une des promesses peut-être qu'on avait fait au début, et on se rend compte que c'est peut-être pas quelque chose qu'on tiendra parce que ça marche pas tant que ça, ou alors dans des cas un peu particuliers. Je pense que, par exemple, que Portal 2, je pense que ça a plutôt bien fonctionné, parce que voilà, c'est pas une énorme saga. Mais Mario, tu vois, c'était un épisode un peu expérimental où on essayait de parler de différents Mario. Moi je l'aimais bien cet épisode, il était pas... Après voilà, c'est vrai que sur Mario on est tous les trois pas non plus, on n'a pas un énorme affect sur la série tous les trois. Il n'y a pas beaucoup d'histoires à raconter non plus. Aussi il y a ça. C'est surtout du gameplay, donc c'est des choses qui sont un peu plus... mais bon, c'est vrai que cette histoire de saga, c'est compliqué, quoi. Parce que c'est un truc qu'on aimerait quand même faire, parce que des fois, il y a des séries de jeux, dans leur évolution, il se passe des trucs. Alors, est-ce qu'on n'associerait pas à terme, tu vois, un épisode sur un jeu spécifique et la saga plus tard? Est-ce qu'on ferait pas comme on l'a fait avec Bloodborne, là? Je sais pas. Parce que pour les sagas, on peut déjà en citer quelques-unes auxquelles on a pu penser, mais ça peut être... Voilà, il y a Mass Effect, il peut y avoir Uncharted, il peut y avoir Dead Space, Dissonored aussi. Les Batman Arkham, des trucs qui sont sortis de manière assez rapprochée, finalement. Hitman. Il y a plein comme ça de séries auxquelles on a pensé qui ont une place très particulière dans le cœur des gens, et puis même dans le jeu vidéo de manière générale, parce qu'on doit apporter un truc, tu vois, tu prends Max Payne 2, c'est deux jeux super importants, c'est pas, voilà, on n'est pas en train de vous dire on va parler de ces jeux dans les 6 mois, hein. c'est au contraire notre réflexion, parce qu'on en parle tout le temps, de savoir de quoi on peut parler. Il y a quelqu'un sur le chat qui dit StarCraft, j'imagine le sourire intérieur de Max, parce que c'est un de ses jeux de la vie. Il y a des séries comme ça dont on aimerait pouvoir parler. Il faut qu'on trouve en fait tout simplement l'angle qui puisse coller à ce qu'on fait d'habitude. Peut-être que c'est pas encore possible. Peut-être qu'il va nous falloir plus d'expérience, je sais pas. On verra comment on fera évoluer les choses. C'est vrai, aussi, on se rend compte que quand on parle d'un jeu, on va mentionner un petit peu les autres jeux qui ont été faits par le studio, donc on va l'intégrer quand même dans un contexte. Peut-être qu'on peut le faire aussi avec des jeux qui sont sur le... Bah voilà, par exemple, là, c'est annoncé, les gens savent qu'on va parler de Halo bientôt. Bah voilà, on a décidé de prendre le premier, et après, j'imagine que dans l'épisode, en fin d'épisode, bah, on abordera quand même les différentes évolutions de la série. Mais voilà, on va pas faire retracer toute la saga, quoi. Il y a l'autre réalité qui est propre aux jeux vidéo, c'est que si quelqu'un ne les a pas fait, se taper tous les Halo, oui, c'est compliqué. C'est pas comme au cinéma ou quoi, où regarder une trilogie, bon, ça va, ça se fait bien. Non, se taper tous les Halo, ou ne serait-ce que les Mass Effect, Hugo et moi, on en a fait aucun, se taper les trois Mass Effect, il y a une réalité de travail qui est quand même un peu chiant, c'est tout de suite. Quand t'as Contender, tu vois, il y a des jeux comme ça où tu sais, en fait, c'est ça, c'est un des défauts, on va dire, malheureusement, du jeu vidéo, et c'est pour ça que c'est plus compliqué que le cinéma, parce que le cinéma, t'as vraiment un format, bon, c'est 90 ou 120 minutes, c'est rarement beaucoup plus, donc tu peux forcément regarder plusieurs films par jour, etc. Du jeu vidéo, quand tu te dis, bah tiens, on va faire, imaginons, on va commencer à faire des épisodes sur des, je sais pas, des vieux RPG, des Final Fantasy, des machins qui durent 50 heures, le jour où, je sais pas, notre pont, il tombe sur un truc comme Persona 5, on sait que Persona 5, c'est 100 heures, c'est 120 heures si tu prends la version royale, t'es là, bon, ben, il faut qu'on le prévoie très, très longtemps en avance, quoi. Parce que tu mobilises trois personnes sur un seul jeu qui dure 100 heures pour faire un épisode qui dure 1h30, alors qu'on pourrait le faire, je sais pas, sur un Walking Simulator quand dure 2h30, tu vois. Enfin, il y a aussi cette réalité-là, malgré tout, à prendre en compte. Alors, nous, on arrive à faire les grands écarts. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on alterne un petit peu entre petits et gros jeux. Parce que si on faisait que des gros jeux comme ça, je pense qu'on ce serait pas vivable. Ou alors, il faudrait qu'on fasse que fin du game dans notre vie. Mais c'est pas tout à fait possible aujourd'hui. Et je sais même pas si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué pour ça. Donc, il y a toutes ces petites réalités-là qui font que, voilà, on est plutôt content quand même du format de l'émission. Je pense qu'il y a un truc qui est vrai, c'est qu'on a aussi réussi à affiner cette petite alchimie qu'on a entre nous trois. Voilà, la dynamique qu'on a tous les trois, ça fonctionne bien entre nous trois. Et on a notre rythme de travail, on a notre process. Maintenant, on sait comment ça se passe, les réunions et tout. Donc, voilà, il y a la machine qui est bien huilée. Maintenant, à voir si elle peut, comme ça, traiter des plus gros projets. On verra comment ça va se faire avec la suite. Donc, voilà, là-dessus. Et puis, il y a un autre problème, c'est des jeux beaucoup plus courts. Ça peut être aussi un autre truc, tu vois. Des jeux, moi, par exemple, cette année, j'ai joué à Discroom, tu vois. C'est un jeu que j'ai trouvé super intéressant par plein d'aspects. Mais je me dis, bah voilà, est-ce que c'est assez pour un fin du game ? Je pense aussi à un jeu comme A Short Hike aussi, qui était vraiment super chouette. Mais voilà, c'est vrai que c'est petit pour un fin du game. Et on a pas envie de se dire, bah voilà, on va prendre un trop petit jeu, faire un trop petit épisode, parce que, bah voilà, on sait qu'il y a des attentes par rapport à ce qu'on fait. Donc, ça aussi, c'est des questions qu'on se pose et j'ai pas forcément la réponse maintenant. Bah c'est du cas par cas. De toute façon, on parlera peut-être de la notion de ce que c'est qu'un jeu fin du gameable quand on en parlera plus tard, mais c'est vrai que c'est toujours soumis à débat. Tu vois, bah, parmi les jeux connus dont on parlera plus tard, mais t'as des trucs genre Hades. Nous, on pense qu'il y a quand même de quoi en faire un épisode, mais toujours quand c'est des jeux qui sont assez centrés gameplay, etc., c'est toujours une grande question. On disait un épisode sur un Mario 3D, finalement on les a tous mis ensemble parce qu'on sentait pas qu'un seul Mario 3D, on serait dit, voilà, est-ce qu'on aura assez de choses à dire dessus, alors que là justement ça nous permettait de faire des renvois, de se balader dans la série comme ça pendant l'analyse, donc voilà. Donc ça, c'est des choses, voilà, qui vont être discutées au fur et à mesure. Ce qui est, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ça fait que 2 ans, même si ça représente en réalité des, je pense, quelques centaines d'heures de travail en réalité maintenant. Hein. C'est pour ça, je pense, comme tu disais, on a vraiment pris cette routine de boulot et de préparation. On est toujours un peu en train de découvrir. Je pense que ça fait maintenant quelques temps qu'on est quand même assez à l'aise avec l'émission, qu'on a vraiment... Enfin, tu vois, on finit l'épisode, on se rend compte qu'on sait que ça va faire 1h20, 1h25 à une vache près. Ouais, on a une espèce de timer maintenant dans la tête. C'est vrai qu'on s'est calé sur ce format-là. Est-ce qu'on arrivera un jour à faire des épisodes plus courts ? Parce qu'on le pensait, il y a aussi une réalité plus pragmatique, c'est que bah, on sait qu'à chaque fois qu'on fait un épisode, il y a les gens sur Patreon qui sont facturés. Donc on s'est dit, bon, bah, si on fait un épisode de 40-45 minutes, ça fait pas beaucoup. Est-ce que c'est pas assez ? Est-ce que ça va être mal reçu ? Enfin, c'est des questions qu'on se pose toujours, hein, de toute façon. Et en même temps, je vois là sur le chat que des gens disent, bah, regrouper plusieurs jeux en même temps. Le problème, c'est que si je prends 2 petits jeux, bah, ça fait tout de suite beaucoup plus de travail en fait, de préparation. Ouais. C'est-à-dire qu'un petit jeu, ce sera pas fondamentalement vraiment beaucoup moins de travail. C'est-à-dire qu'on fera le truc sérieusement. Par exemple, je parle de Discroom. Les gens qui ont fait Discroom, juste avant, ils ont fait Minit. Bah, si je dis Discroom Minit, bah, en fait, en termes de recherche, d'analyse et tout, bah, ce sera beaucoup plus gros qu'un jeu qui durait 25 heures. Parce qu'on va parler du studio, on va parler de leur travail à eux. enfin on risque de faire un truc qui est finalement plus long. Non, exactement, alors que c'est deux petits jeux. Donc ouais. Voilà, il y a aussi tous ces trucs là. Voilà, on réfléchit, hein, on se pose vraiment des questions, on passe du temps là-dessus. Mais voilà, ça ouais. C'est vraiment pour l'évolution de l'émission. Tout ça pour dire qu'elle n'évoluera pas beaucoup. Alors, on verra. Ouais, on a une formule qui pour l'instant elle tient bien. Ouais. On a regardé, on s'est dit bon, on va se projeter, on va imaginer, on se fait des listes, on a des listes comme ça de jeux infinis pour se dire. Pour se projeter dans le futur, on a quand même pas mal d'années devant nous avant de commencer à vraiment tourner en rond. Vu la quantité de jeux vidéo qui sont sortis, on fait que 24, c'est combien d'épisodes par an qu'on fait ? Ouais, bah 22. En général, donc bon, ça, voilà, avec des milliers de jeux qui sortent par an, on est large, donc on a encore du temps. Ce qui est cool, c'est qu'on pensait pas au départ qu'on allait pouvoir se projeter aussi facilement en avant. Là, aujourd'hui, on est à un stade où le Patreon fait que fin du game, ça fait vraiment partie de nos revenus à tous les trois. C'est un truc stable. C'est un truc sérieux, en fait. Ouais. Et on se dit, bon, tout le temps qu'on y consacre, ça vaut le coup. Et on a envie, vraiment, à chaque épisode, on prend chaque épisode ultra sérieusement. Enfin, vraiment, je vous dis, hein, quand je dis que c'est entre 6 et 9 heures de préparation pour chaque épisode. Plus les recherches, avec les réunions, le temps qu'on passe à côté, plus le temps de jeu qui lui n'est jamais compté, parce que le temps de jeu c'est malheureusement un truc à part, hein, quand on doit on va parler un jour de FF7 Remake, ça dure une trentaine d'heures, il faut que tu le fasses toi. Ouais, voilà, là moi j'ai fait Halo il y a pas longtemps, c'est une dizaine d'heures, enfin c'est tout de suite, ça va très très vite le nombre d'heures, et on se dit que ça fonctionne, que vous êtes vraiment content du truc, nous aussi. Donc là on est à un moment, je pense, de l'émission où c'est cool, on va peut-être rentrer dans une espèce de vitesse de croisière, mais on va quand même essayer à chaque fois de pousser des petits paliers. C'est juste qu'il y aura peut-être pas de grosse évolution. Là la vraie évolution qu'on avait promise depuis le début, c'est de pouvoir justement s'autoriser plus de jeux maintenant désormais, maintenant qu'on a atteint ce palier de sérénité quand même un petit peu, faut le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le dis, pour moi vraiment dans ma vie quotidienne, ça compte à FDG, parce que je pourrais pas faire ce que je fais pour ma famille, etc., sans cette émission actuellement, ça c'est une réalité. Et du coup on peut se dire ok, je peux prendre des jeux, sortir un peu de ma zone de confort, parler des jeux qu'on connaît pas, parler de jeux aussi plus anciens, ça c'est un peu le truc. Anciens, ça commence à 95, 2014. Ouais, c'est à peu près ça, parce que dès que je commence à sortir vraiment des vieux trucs, en général, il y a des sourcils qui se lèvent. Non, mais trucs tout con, tu vois, par exemple, là sur le bureau de Benoît, il y a Yakuza 7. Voilà, ça, c'est un jeu, je sais pas si on en parle. On la connaît pas, c'est une saga qu'on ne connaît pas tous les trois. Ouais. Et on se dit, c'est vrai qu'une émission comme Fin du Game, j'imagine qu'il y a plein de gens qui peuvent l'attendre sur Yakuza 7. Et nous, on le sait, en fait, sur Yakuza. Je l'ai pris d'ailleurs un peu comme ça. C'est-à-dire que j'ai vu un nombre de gens incalculables me dire, mais c'est le jeu de l'année, c'est génial, c'est drôle, c'est marrant, la série se réinvente et tout. Alors évidemment, comme j'ai pas fait les 6 ou 7 épisodes précédents, je vais pas me rendre compte que ça se réinvente, mais je vais quand même le découvrir. Voilà. Toi, t'avais prévu, je crois, d'essayer Yakuza 0. J'ai 0 chez moi, on en parlera. Et ça se trouve, on va peut-être faire un épisode sur les deux, un épisode sur l'évolution, on va peut-être faire un épisode pour chaque jeu, mais décalé d'un an ou deux ans. Oui, les deux. On verra, mais on se limite pas à ce niveau-là. En fait, on essaie d'explorer le paysage vidéoludique, ça y est, je l'ai droppé, pour essayer de trouver des nouvelles choses et essayer de s'enrichir un peu mutuellement et dire, ça, ce jeu-là, pour l'émission, c'est un fin du gameable. Et ça c'est top. Tu vois, moi, j'aime bien me dire, des fois, je fais des jeux en me disant, ça va peut-être être bien pour fin du game. Et je suis content de le faire dans ces conditions-là. Vous m'avez fait tester Mutazione comme ça, vous m'avez fait tester plein de petits jeux dont vous m'aviez parlé. Observation aussi, Observation. Que Max nous a fait découvrir à tous les deux, qui était chouette et qui a fait un bon épisode. Moi, j'avais fait le lobby sur Thomas Was Alone, notamment. Il y avait eu des trucs comme ça. Enfin, chacun, on a des fois des petits trucs qu'on fait découvrir, donc c'est vraiment cool comme ça de se lancer dans un jeu. Pour d'autres raisons que parce que j'ai envie d'y jouer, parce que c'est le jeu du moment, parce que c'est la hype, machin, c'est juste peut-être c'est intéressant, il y a des gens qui disent que c'est super, donc il doit y avoir une raison, j'ai envie de la comprendre et je vais essayer de me mettre à leur place. C'est très bien comme démarche, je trouve. C'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, que moi ma façon d'écrire dans mes tests, elle a pas mal évolué, parce que je me place je prends peut-être un poil plus de retrait par rapport à ce que je faisais avant, et j'en suis super content parce que le résultat il est bien, et encore une fois là je me dis Yakuza 7 pourquoi pas, quoi, tu vois. Je vous dirai ça, je vais faire ça pendant les fêtes de fin d'année. Ça se trouve ça va me tomber des mains au bout de 10 minutes, mais Ça c'est le risque, de rentrer les trucs. Mais du coup ça répond à une des grosses questions qui revient souvent, c'est comment justement on choisit les jeux. C'est comme ça, tout simplement. On essaie de faire cette liste là en se basant à la fois sur nos goûts respectifs. En fait, la première fois qu'on s'est rencontrés pour commencer à à penser un peu fin du game, on a dressé une immense liste de jeux, mais vraiment juste des trucs qu'on marquait, et c'est pour ça que je dis souvent sur le Discord que si vous avez pensé à un épisode de fin du game, il y a des chances que nous aussi, en fait, que le nom soit sur la liste, il y est, et voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on choisit, et on enrichit comme ça au fur et à mesure, et on se rend compte, bien évidemment, qu'on ne pourra jamais aller, je crois, au bout de toute cette liste, enfin, si, Inch'Allah, si, si l'émission dure encore des années et des années. Épisode 12730. Mais voilà, c'est vrai que... Voilà. C'est ça, tout ça pour dire que si vous venez là dans le chat ou dans le Discord pour dire est-ce qu'un jour vous ferez un épisode dessus, est-ce que vous connaissez tel jeu, déjà probablement on le connaît, très probablement, oui, il y a des chances. Et voilà, et ensuite est-ce qu'on le fera, et bien on verra, vous le saurez. On rappelle que sur le Discord il y a les 4 futurs épisodes, et voilà, nous n'en dirons pas plus, voilà, on fait de la rétention d'infos, non mais puis au cas où parfois on se rend compte qu'un épisode dont on voulait parler, en fait, il est peut-être pas, si fin du gameable, ou peut-être il serait trop redondant éventuellement qu'un autre épisode, donc on se laisse aussi cette marge quand même. Ouais, on essaie de travailler quand même un peu sur l'éditorial, c'est-à-dire bah, vous surprendre en fait avec les jeux. Moi, c'est vrai, quand on a annoncé Halo sur le Discord et que les gens ont dit oh quoi, Halo, ils vont parler, enfin, c'est vrai que c'est cool de pouvoir vous surprendre avec des titres bah, sur lesquels vous nous attendez peut-être un peu moins, et voilà, alterner entre des gros jeux, des projets un peu plus confidentiels, des jeux un peu plus anciens, des jeux un peu plus actuel. Bon bah voilà, c'est vrai que c'est cool de pouvoir jongler, même pour nous c'est chouette aussi, et puis je pense encore une fois que ça correspond plus à la réalité des gens qui nous écoutent, qui jouent en fait à des jeux bah, qui sont sortis depuis super longtemps, qui jouent aussi à des trucs qui sortent maintenant, enfin voilà, je pense qu'on consomme peut-être tous un peu le jeu vidéo, donc c'est vrai que ça, ça marche bien là-dessus. Et puis il y a la liste, mais aussi La blacklist, ça c'est une autre liste, et elle est née d'elle-même en fait du chaos comme ça, la liste des jeux dont on a de la sueur, de la sueur et du sang, ce genre de sueur. Ouais, en général c'est moi qui arrivais avec des jeux genre avec mes trucs de vieux. Ah bah faut savoir, oui, il y a du jeunisme hein, dans Final Fantasy, pour nous le rétro c'est 2000, c'est déjà rétro, donc c'est déjà trop vieux pour eux. Alors quand j'arrive avec des jeux des années 90, moi cette année honnêtement avec le confinement, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé. Je pense que je me suis un peu plus débloqué là-dessus sur le côté. Ah bah toi, c'est rétro. En année Metal Gear. Oui, voilà. Enfin, voilà, j'ai découvert Metal Gear Solid cette année, donc voilà, c'est ça, c'est un peu débloqué là-dessus. Mais bref, tout ça pour dire, bah, c'est vrai qu'il y a des gros jeux. En fait, je pense qu'il y a une blacklist de l'enfer de jeux qu'on touchera jamais, parce que c'est juste pas notre cam à tous les trois, et je pense que ça nous intéresse juste pas. Mmh. Je sais pas si je pourrais trouver un exemple là. Ah, faut... Typiquement, le jeu parfait. Si vous voulez faire votre jeu blacklisté, je vais vous donner la recette. Déjà, il est vieux. Non, mais en général, enfin, très souvent, il y a une grosse partie de la blacklist. Ça va être Hugo et moi, souvent, on l'a pas fait à l'époque. Mmh. Ouais, ça peut être ça déjà. Benoît a pu le faire, mais en fait, il a mal vieilli en 2020. C'est juste qu'il est très chiant à faire, il va durer longtemps. Un jeu qui dure 30 à 50 heures et qui est objectivement entre guillemets chiant à faire en 2020 parce qu'il a vraiment vieilli ou il a influencé plein d'autres jeux derrière lui, c'est galère à y jouer, tu vois, s'il faut l'émuler, s'il faut machin, si tu peux, enfin tu vois, il y a des jeux c'est très compliqué d'y rejouer aujourd'hui. On parlait à un moment par exemple de Soul River, c'est un jeu qui est super galère à refaire aujourd'hui typiquement, et du coup c'est des jeux qui typiquement, en fait, autant je comprends qu'il y ait des gens qui veuillent en parler, mais on tombe dans du rétro slash nostalgie, des gens qui ont été marqués par ce jeu, qui vont parler d'eux et du jeu et de l'époque, etc. Et nous, on pourra pas faire ça, en fait. Nous, si on y joue en 2020, on pourra juste dire, bah, le jeu, il est comme ça. On pourra, effectivement, éventuellement, se mettre à la place de gens qui ont joué à l'époque, ou le comparer à des jeux qu'on a fait à l'époque. Mais c'est pas pareil, c'est pas exactement la même approche. Donc, typiquement, alors, faudrait donner un exemple. Non, mais là, j'ai vu passer, genre, World of Warcraft. Ouais, bah, non, mais en plus, c'est un MMO, donc enfin, c'est très compliqué. C'est le genre de jeu, je pense, qui, déjà, par rapport au format, c'est compliqué. Ah ouais, parce qu'il y a eu 36 000 extensions. Voilà. Et puis, Diablo 1, voilà, on peut le dire, des déjà. Des trucs comme ça. Ah, la bonne celui-là, non, mais celui-là, les Diablo, c'est arrivé assez vite dans la blacklist. Et donc, pour faire évoluer la discussion, parce que cette histoire de blacklist, pourquoi on vous en parle, c'est parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans cette liste-là, il y en avait qui étaient, bon, un peu blacklist, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y avait des espèces, genre, modérément blacklist. C'est pas forcément de la flemme ou quoi, c'est juste que ça demanderait un peu plus d'organisation. Et on peut le dire, je pense que c'est en fait une idée qu'on a eue pour renouveler un petit peu les paliers du Patreon, parce qu'on pensait pas arriver aussi vite à notre palier de appeler fin du game, où on parlait des jeux rétro. On s'est dit, ben, autant essayer d'aller un peu plus loin. Alors on sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre, on va se laisser encore un peu de temps pour vous donner le process complet, mais on aimerait vous donner la possibilité de par exemple, en fait, l'idée qu'on avait, je vous la donne telle quelle, on aurait par exemple chacun pendant un an trois jeux de notre blacklist perso qu'on mettrait par exemple, je sais pas, sur le Discord ou un truc, et l'idée ça serait que les gens votent pour chacun un jeu des trois personnes. Pour libérer un jeu de la blacklist. Voilà, pour nous sortir de la blacklist et nous forcer, entre grosses guillemets, à faire un épisode. Donc voilà, des jeux comme un Diablo ou un truc comme ça, où vraiment c'est pas du tout leur cam à tous les deux, on pourra peut-être en parler un jour de cette manière-là. Il y a d'autres jeux comme ça. On vous annoncera tout ça en temps et en heure. Pour l'instant, on est encore en train d'y réfléchir, parce que comme dit, cette histoire de palier Patreon, on l'a dépassé il y a finalement très peu de temps. Ouais, il n'y a pas longtemps. On savait qu'on avait cette idée d'essayer de vous donner une espèce de petite possibilité d'interaction avec nous. On ne veut pas tomber dans le piège du « vous choisissez les épisodes à notre place », parce que c'est vraiment pas comme ça qu'on a pensé l'émission. Mais si on peut, peut-être un ou deux par an, on sait que c'est vous qui les avez choisis, il y a cette histoire de blacklist, c'est rigolo. Et ça permettrait du coup de parler des jeux peut-être un peu différemment. Et nous, il y a des chances que ça nous surprenne en bien, en fait. Ouais, et puis c'est souvent des jeux, justement, ils sont dans notre blacklist, mais c'est la blacklist des autres plutôt. Jeux dont nous, chacun, les trois jeux qu'on a, parce qu'on en a pré-sélectionné quelques-uns, c'est des jeux individuellement, on a envie d'en parler, on les aime bien, mais on est conscient que les autres, ça va être un peu chier de le faire et tout. Et donc c'est quand même des jeux dont on a envie de parler un petit peu, on peut militer. On a parlé de certains jeux dans le chat, on a pu voir. On a vu passer des noms effectivement qui circulent sur la liste, donc voilà, vous êtes pas trop loin, et je clappe alors qu'il faut pas du tout faire ça. Deuxième question qui revient souvent, et je l'ai vu d'ailleurs encore passer là plusieurs fois là dans le chat, c'est les invités. Est-ce qu'il y aura des invités dans Fin du Game? Moi je vais vous répondre, alors ça c'est ma réponse à moi, mais je pense qu'en fait que se demander s'il y a des invités dans Fin du Game, ça veut dire que en fait vous avez peut-être pas très bien compris comment le podcast marche, en fait. C'est-à-dire que nous, y a toute cette préparation avant, et ça veut dire que si on invite quelqu'un, ça veut dire qu'il faut le mettre dans la boucle totale en fait du truc. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il travaille avec nous, faut qu'il prépare l'épisode avec nous, qu'il joue au jeu comme nous on peut le faire, qu'il prépare, qu'il fasse ses recherches, et ensuite qu'il intervienne dans l'émission. Et en fait ça ferait juste un quatrième avis une quatrième personne qui participerait à la construction de l'épisode. En gros c'est ça. Oui c'est ça. Donc en fait il y a ce côté, on comprend bien l'envie, et moi j'en écoute des podcasts où j'aurai des émissions où il y a des gens que j'aime bien la vision, les pensées m'intéressent, et j'aime bien les voir interagir ou les voir participer à d'autres émissions quoi, mais on est dans du format non préparé en fait très souvent, même s'il peut y avoir des experts sur un sujet ou quoi, mais nous par exemple c'est hors de question entre guillemets d'avoir une personne qui ne prépare pas, d'inviter juste une personne qui est là pour partager son opinion spontanée, nous on a notre petit plan, on rappelle, on a un prompteur, on a un plan qu'on a mis en commun, et si on a invité, même si c'est l'expert ou l'experte de tel jeu, il y aurait trop de spontané, ça peut partir dans des directions pas prévues, et comme on l'a dit au début, nous on veut faire des émissions qui ne soient pas vraiment périssables, parce que on peut réagir sur de l'actu, on peut dire des choses, on peut partir un peu en hors-sujet ou quoi, et nous on essaie de faire des synthèses quand même, de proposer un minimum de synthèses qui soient toujours pertinentes d'ici un an, cinq ans ou quoi. Et avoir quelqu'un qui n'a pas préparé, ça nuit un petit peu à tout ça, et même si on aime bien des gens, ou on trouve qu'il y a des gens qui ont des choses à dire, c'est juste pas le format. Ça correspond pas très bien avec notre manière de créer le contenu. En fait, ouais, comme tu le dis, les invités, c'est toujours un truc très spontané, et là, c'est vrai que si on faisait débarquer juste quelqu'un, genre « Coucou, tu viens enregistrer avec nous », en fait, il connaîtrait pas notre plan de jeu, parce que nous, on a fait tout notre truc, on sait exactement par où on va passer, comment on goupille notre épisode, et ça, l'invité, il faut forcément l'inclure là-dedans. Et là, je vois que ça parle par exemple dans le chat de développeur du jeu, c'est pas le format en fait, c'est pas une interview, je vais pas avoir le développeur, je pense par exemple à Nightcall, on va pas venir Laurent Victor Huguenot pendant qu'on lui explique le jeu, comment nous on l'a vécu et tout, c'est pas ça. Si on faisait quelque chose, c'est qu'on l'interviewerait avant et on ferait une synthèse de ce qu'il nous a dit pour sélectionner le meilleur et l'inclure dans nos trucs. C'est des choses auxquelles on réfléchit depuis pas mal de temps, parce qu'effectivement quand c'est des jeux français dont on va parler, on a potentiellement plus facilement accès aux personnes qu'on bossait dessus, mais ça va être pour leur poser des questions quand on vous parle en début d'épisode du contexte de création, de choses comme ça, mais c'est pas pour faire Fin du Game ce qu'on fait, c'est pas le même format. C'est à dire que moi j'étais invité régulièrement soit dans le rendez-vous jeu ou récemment à la Belle et le Gamer, c'est des podcasts d'actu, donc ça fonctionne, c'est normal en fait, vous avez quelqu'un, il apporte son point de vue sur un sujet de l'actu, etc., ou un jeu pour donner son avis. Comme nous, c'est vraiment un truc de préparation, et c'est alors si vous le sentez pas, je pense que c'est une bonne chose, je le prends comme un compliment, dans l'émission, si ça vous paraît super smooth et fluide quand vous nous écoutez, faut vous dire que nous on a vraiment préparé le plan, on prépare nos transitions, on essaye en fait d'imaginer quel est le in fine ce qu'on veut dire du jeu, comment on va arriver à vous dire ça, et donc on va passer par des étapes de, bah on va parler dans un premier temps, je sais pas, du gameplay, de comment le gameplay il réagit avec le level design, comment les thématiques elles vont réagir de telle manière, et du coup ça explique pourquoi le jeu il a marqué telle époque pour telle et telle raison. Donc on a vraiment toujours une construction qui est assez, en tout cas logique pour nous, et ça demande énormément de temps, et c'est vrai que bah, on se l'est dit assez rapidement, ça fonctionnerait pas avec des invités en fait, tout simplement. Mmh, ouais. Et puis voilà, encore une fois, trouver quelqu'un qui va à pouvoir aussi rentrer dans notre petit, bah, notre petite dynamique qu'on s'est construit au bout de 3 ans. C'est vrai que c'est pas facile de, ce serait pas facile, je pense, de greffer quelqu'un. Moi, je pense que s'il fallait le faire, il faudrait le faire, c'est-à-dire sur le long terme, c'est-à-dire qu'il y aurait une quatrième personne en fin du game, mais ce serait, mais voilà, c'est pas du tout actuel. Hein, mais je pense pas que quelqu'un qui vienne juste se planter comme ça et repartir pour un autre épisode, je pense pas que ça marcherait pour nous. Même nous, on a mis un petit peu de temps à arriver à bien sûr les petites passes et compagnie. Ou alors, comme ça a été vite fait évoqué dans le chat, ce serait un autre format. Ça, on peut l'assumer aussi. Si un jour on a envie de faire un format un peu plus spontané avec des gens avec qui on a envie de parler d'un sujet peut-être un peu plus d'actu ou sur du ressenti. Une sorte d'épisode bonus qu'on sortirait en fin d'année, par exemple. Ou des expériences perso ou quoi. Ou alors des commentaires de dev ou des, quelque chose comme ça. En fait, ce serait un autre format. Ça peut être un format qu'on créerait, je sais pas, mais on n'en a absolument pas parlé entre nous. Hein, je vous le dis, c'est, voilà, est-ce que ça arriverait en 2021, 2022, 2023 ou jamais, j'en sais rien du tout, mais ce serait pas fin du game, ce serait un autre format. Oui, c'est ça, ce serait by fin du game, tu vois, ce serait un truc. Ouais, c'est ça, mais pour l'instant, je pense que voilà. Moi perso, je pense que c'est important de faire une bonne émission, de continuer à bien la faire, de elle plaît cette émission, elle marche bien, et moi je sais que quand il y a un truc qui fonctionne bien, faut rester un peu dessus et bien l'affiner. Ouais. Faut pas oublier que même si c'est beaucoup de temps, c'est que l'une de nos activités, parce qu'on a tous nos chaînes respectives, on a nos projets à côté, que ce soit perso ou pro, on fait d'autres trucs. Fin du game, c'est un truc sur lequel on concentre beaucoup déjà d'énergie et de temps, et on veut vraiment voilà, vous proposer un bon truc à chaque fois, et là en l'état pour l'instant, on est content du truc, on va le garder un peu tel quel, on va essayer de l'affiner comme on le disait, en rajoutant, voilà, en épissant un petit peu le plat avec des jeux de la Blacklist, des jeux un peu plus old school, des jeux un peu différents auxquels les deux là-bas n'ont pas joué. Ou même moi, non, parce qu'en plus, je réponds juste un truc dans le chat que je pense que les gens pourraient se poser comme question, par exemple, l'auteur d'un des livres sort d'édition qui pourrait se greffer. Oui, effectivement, mais le truc, encore une fois, là, on n'a même pas parlé du côté logistique, organisation, parce qu'il faut venir faire venir la personne chez nous, qu'elle se mette aux mêmes réunions que nous. Et nous, on a notre rythme à tenir, notre routine, etc. Donc, voilà, et est-ce qu'on va bien s'entendre avec cette personne? Je ne sais pas, parce que bon, voilà, ça parle de... Et c'est sans compter que souvent, le bouquin, on l'a lu. On a noté ce qu'on trouve pertinent, ce qui nous intéresse, parce qu'il y a aussi, mine de rien, comme on l'a dit, c'est une émission qui est subjective, on a nos visions et tout, dans le bouquin, il y a des choses qu'on a trouvées intéressantes, d'autres non, et moi je prends des notes à côté, je sais pas, la dernière fois j'ai lu le bouquin Skyrim, bon bah voilà, je prends des notes dans le téléphone de ce que j'ai trouvé intéressant ou pas. Et en fait, si on a juste l'auteur pour avoir l'auteur, moi, je considère qu'il n'y a pas une valeur ajoutée. Je comprends que vous trouviez ça intéressant d'avoir l'auteur du bouquin qui va peut-être en sortir un peu plus, qui va sortir une anecdote, tout simplement d'avoir une quatrième voix, ça change un petit peu du format ou quoi. Bien sûr. Mais pour le format Fin du Game tel qu'on le voit, non, le bouquin, on l'a lu, les infos, on les sélectionne, on insère ça dans notre vision un petit peu du jeu vidéo et de ce qu'on a envie de dire. Moi, je considère qu'il n'y aurait pas vraiment une si grande plus-value à Fin du Game. Encore une fois, ça me dérangerait pas de discuter avec l'auteur ou quoi, mais ce serait un autre format, ce serait vu différemment. Voilà. Donc, Fin du Game restera Fin du Game. Oui, ouais, bah, pour l'instant, on est tous les trois, et c'est vrai que... moi ça me va, le format tel qu'il est pour moi il est cool parce que non mais parce qu'on on a... prend toujours le plaisir à le faire. Je note juste la blague, pourtant ça a été fait sur l'épisode The Witcher. Oui et effectivement on a eu l'auteur. Voilà, coup de bol, c'est le il le était coup là de, il était là, c'est le coup de l'horloge cassée qui donne deux fois par jour la bonne heure, c'est les mêmes probabilités. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'était une des questions les plus répandues. On a répondu donc aux invités, les jeux fins du gameable. La dernière question, éventuellement, si vous voulez en parler. C'est quoi qui est écrit ? Vous avez 7 minutes, selon très le prompteur. Bah, à ce moment-là, moi, je peux peut-être répondre à cette question-là. Et toi, Max, peut-être, si les gens veulent poser des questions là, maintenant, dans le chat, si t'en vois une qui est intéressante, tu me dis. Attention, je vois le texte. Et sinon, ce ne sera pas intéressant. Je fais le La petite question qu'on a notée, c'est souvent... mais de toute façon ça rejoint en fait déjà tout ce qu'on a dit jusqu'ici sur le côté pourquoi il n'y a pas d'avis divergent dans Fin du Game. Et encore une fois, la réponse c'est toujours la même, c'est toujours cette espèce de construction d'épisode qui fait que quand on a des avis divergents sur un truc, par exemple je prends Death Stranding, c'est probablement celui qui nous a le plus divisé, bah on les intègre dans notre construction. Du coup, les avis divergents de Maxime, de Benoît, je les connais et je les ai intégrés dans ma réflexion. Mmh. C'est-à-dire que je me dis, bon, ok, cette partie-là, ça ne peut pas marcher sur tel ou tel point, mais moi, c'est vrai que ça a bien marché là-dessus. Et hop, on passe dessus, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce côté peut-être un peu unanime que certaines personnes peuvent regretter, hein, mais c'est comme ça parce que, justement, on construit l'épisode et parce qu'on n'a pas envie de... Je pense qu'on a aussi, tous les trois, pas forcément envie de rentrer dans ce type d'émission très, très débat, très on s'envoie des pics, tu sais, c'est un peu pour le troll, un peu pour le débat, pour la fight. C'est vrai que ça existe déjà. Il y a déjà plein de gens qui le font sur Internet et c'est vrai que ça nous intéressait pas forcément. Même des gens qui n'ont pas joué au jeu, souvent récemment. On en parlera pas plus en détail que ça, mais ça parlait dans le chat un peu de cyberpunk et tout. Il y a les contenus, entre guillemets, c'est l'anti-Fin du Game. C'est-à-dire que moi j'ai pu voir des plateaux sur des grosses émissions, quoi. Il y a 4-5 personnes qui n'ont pas joué à cyberpunk et qui parlent de cyberpunk et des reviews cyberpunk. Bon, c'est autre chose. C'est clair que c'est un autre type de format. Alors Maxime, est-ce que tu as vu des questions qui nous intéressent? Parce que ça n'a pas duré longtemps et c'est en slow mode, mais j'en ai vu une, c'était éventuellement enregistrer un épisode en live. Non, parce que, comme on dit, on prépare un peu en amont, on a un prompteur et tout, et le montage fait que parfois... si on bégayait ou si on ne sait plus ce qu'on voulait dire, parfois on interrompt, si on revient en l'intérieur, si le chat saute sur le micro. Après ça pourrait faire un épisode en live, pour les gens du live ils comprendraient mieux, mais pour les gens qui écouteraient en audio c'est beaucoup moins agréable. Mais vous vous rendez pas compte qu'au montage il y a parfois des petits racolages qui sont faits, et puis même le... pas tant que ça, le live crée une autre situation qui n'est pas celle du podcast. Je pense que vous le voyez là actuellement et je pense que quand vous nous écouterez vous en rendrez compte, donc c'est différent là. Quand on est juste tous les trois, on est serein, on peut échanger facilement. S'il y a un truc, on s'est dit attends, je sais plus ce que je voulais dire, enfin bref, reprendre des choses, s'arrêter, donc voilà, c'est plus serein. Et encore une fois, faut coller à ce conducteur parce que c'est quand même ça la base de l'émission. Et parfois on se perd un petit peu, on part sur un fil qu'on dit attends non, je vais peut-être pas commencer à le tirer, celui-là ce sera pour après. Et donc voilà, c'est vrai que la version ou making of d'un épisode, il y aurait des moments où c'est genre attends, qu'est-ce que j'ai dit là? T'es parti où? Ouais, un épisode en général. Comme ça où on s'arrête. En vrai, il y a bien 2 heures d'enregistrement pour 1h30. En gros, j'exagère peut-être un petit peu, mais voilà, toutes les petites choses qui passent. Souvent, l'intro, des fois, tu pars sur une vanne et puis t'es pas convaincu par ta vanne. Oui. Des fois, on part sur un truc. Enfin, voilà, il n'y a pas non plus. C'est pas une émission montée comme si on enregistrait chaque phrase par phrase. C'est pas du tout le cas. Au contraire, hein, ça reste encore une fois du one shot. Donc, ça là-dessus, c'est cool. C'était quoi la question? J'ai perdu, tu vois. Moi, je suis en train de lire le chat, des questions en live. Serait peut-être un truc un peu genre exceptionnel. Je sais que ça se fait parfois. Écoutez, si le podcast continue comme ça à grossir, qu'un jour, ça a déjà arrivé, je pense qu'il y a des gens de salon spécial podcast qui nous invitent, des trucs comme ça. Ah ouais, tout ce qui est salon en 2020, on va pas réinsister, ça s'est pas trop fait. Mais là, dans l'état, on est assez. On aime bien notre petit cocon, vous voyez, on a la maison, on a notre truc, on a notre cadre, on est serein. On sait quoi faire. Et puis on a le contrôle aussi, c'est ça. Ouais. Malgré tout, le montage, ça donne du contrôle qu'il n'y a pas forcément en live. Et voilà, je pense que tous les trois, on aime avoir cette émission bien finie, dont on est content quand elle ressort, et se dire, au moins, il n'y a pas un couac, un truc qu'on ne peut pas cuter, pardon, voilà, par exemple, ce genre de choses. Et je pense que c'est mieux pas en live. oui, le live c'est pas la solution du tout, en fait. Non. Hein, c'est... Non, bien sûr que non. En fait, c'est qu'il y a des choses, encore une fois, je comprends que vous voudriez le voir, et moi aussi parfois je veux le voir avec d'autres, que ce soit des invités, que ce soit du live, que ce soit tel type d'invité, mais faut bien se demander quel impact ça aurait vraiment sur le format, faut penser un peu aux coulisses, entre guillemets, à la façon dont c'est pensé, à notre état d'esprit et tout. Et à quel point ça pourrait le perturber, entre guillemets, à quel point ça pourrait perturber le format ou notre approche des choses. Facilement perturbable, faut dire. Mais bon, par contre, voilà, c'est vrai que si jamais un jour vous aviez l'occasion, je pense pas que ça soit un truc qu'on ait envie de diffuser, parce que c'est un truc qu'on fait entre nous, mais ça nous arrive de nous prendre le chou relativement souvent sur les préparations. On va se battre sur un point de débat débile. Les demi-heures perdues sur un point, mais complètement anecdotique. Ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment des paires, des fois, ça peut être toi et moi, des fois ça va être Max et moi, des fois ça va être tous les deux. Voilà, et en fait, il y en a un troisième qui se tourne les pouces. Tu vois qui est derrière, il est sur Twitter, il commence à faire d'autres trucs. C'est sûr. Mais après, c'est peut-être signe d'une bonne santé, c'est qu'on n'hésite pas à se prendre la tête. Et en général, c'est sur des trucs cons. Donc, c'est-à-dire que globalement, ça se passe plutôt bien. Ouais. Moi, je me souviens de deux trucs cons sur lesquels on a pu se prendre la tête. Le premier, c'était Inside, ça remonte. Hein. Mais c'était sur enfin, je sais plus qui défendait ça. Donc, c'est dire à quel point ça tenait. Alors, attention, ça va repartir. Les deux fois, je pense c'était Benoît et moi. Et Inside, c'était genre sur le côté réaliste du truc. Il y en a un qui défendait que c'était plutôt cartoon, machin, et l'autre plutôt réaliste dans son approche de la mort et tout. Ah, je me rappelle pas de ça. Mais là. Je me souviens qu'il y a... je pense mais des fois, c'est ça, c'est que c'est des les bons débats. Les bons débats intéressants. Osef. Mais encore une fois, le dernier, c'est pour ça que c'est bien qu'on les crème en fait. C'est-à-dire que ça, encore une fois, si c'était un podcast hyper spontané, bah, on pourrait passer 15 minutes sur un truc où en tant qu'auditeur, auditrice, vous serez en mode mais on s'en balèque. Et du coup, je pense que c'est vrai que c'est bien qu'il y ait ça. Et encore une fois, je pense que ça fait aussi la différence peut-être avec des productions qui sont plus comme ça à l'arrache. Nous, c'est préparé, il y a ce truc-là, vous avez un résultat qui est très propre, qui est peut-être... très propre, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas qui est peut-être un peu où il y a pas de grosses divergences. Alors, On essaye toujours d'être dans cette idée de synthèse. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On essaye vraiment de faire une synthèse de notre travail de recherche, de notre mise en commun. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que dans le chat, il y a marqué Inside Realist What the Fuck, Inside Cartoon What the Fuck. Donc voilà. Bah, voilà. Ça, c'est la discussion. On a mis la pièce dans la fente, amusez-vous. Voilà. À l'heure. C'est vrai que c'est souvent ça. Vous voyez, c'est deux points de vue qui s'opposent et qui n'essayent pas de se rejoindre. On essaye de faire autre chose. Je ne dis pas qu'on réinvente la roue avec notre émission, mais on essaye de proposer autre chose, une espèce de synthèse, une espèce de réflexion. Parce que nous, en fait, ce qui nous fait kiffer, c'est pas d'avoir raison ou je ne sais pas quoi, c'est juste de se dire on essaie de comprendre comment le jeu vidéo fonctionne. On sait à quel point c'est important dans nos vies à tous les trois, le jeu vidéo, ça nous a construit, c'est notre métier, c'est notre passion. Moi j'aime pas le jeu vidéo personnellement. Oui, tu l'as admis l'autre jour sur Twitter, je fais ça pour la thune. pire idée. non mais c'est parce que c'est vraiment c'est un média qui est encore assez jeune. Je pense qu'on a tous les trois conscience que c'est un qui a encore beaucoup de choses à défricher. Le fait qu'une émission comme Fin du Game, ça n'existait pas vraiment avant Fin du Game, c'est un exemple type, c'est-à-dire qu'on arrive à se dire, on peut encore imaginer des manières de parler du jeu vidéo, et il y en a des tonnes. Enfin, alors dire, c'est on est très loin, simple, en fait, c'est juste, on parle d'un jeu ensemble dans une son fois entièreté. Qu'il est sorti. Oh là là, quelle innovation. Comme c'est un milieu qui est tellement tout le temps dans l'espèce d'avalanche de l'actualité, on prend jamais le temps de respirer, tu vois, de lever la tête du guidon et de se dire, alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois? Je veux dire, un des trucs qui a le plus foutu en carafe les sites internet et les magazines de jeux vidéo ces dernières années, c'est les jeux d'early access ou les jeux as a service, tu vois, qui se mettent à jour et qui sont nuls à un instant T et deviennent oufissimes un an plus tard. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le reteste? Est-ce qu'on sort une autre note? Enfin, j'ai assisté à des tonnes de réunions sur ces questions là en interne quand je bossais chez GK, et en fait tu sentais que le jeu vidéo tel qu'il est aujourd'hui, il mettait à mal le modèle précédent. Et il faut s'adapter. Et là, nous, on arrive avec cette idée-là. Enfin, d'ailleurs, c'est même vous deux qui êtes arrivés avec cette idée-là que vous m'avez proposée. Et donc, ça, je trouve qu'il y a encore tellement de trucs à imaginer autour du jeu vidéo qu'on est, on est content, en fait, tu vois, de participer à tout ça. J'aime bien me dire ça, qu'on essaye de défricher, tu vois, avec nos petits moyens, avec nos petits mots, nos petits paysages vidéoludiques, nos petits jargons qu'on ajoute au fur et à mesure. Il y a des choses cool à faire. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur l'émission. J'ai vu beaucoup de questions qui passent, qui sont des trucs peut-être plus anecdotiques. Donc voilà, je pense pas qu'on y répondra là maintenant. Est-ce qu'il y a une question que vous avez en tête? Est-ce qu'il y a des gens sur faire d'édition? Ouais, le sponsor, on va pas vous donner le montant. Il nous donne des sous à chaque épisode. Ouais. Voilà, on l'a déjà dit. Des sommes astronomiques, je peux vous le dire. Oh là là, tout ce que je. Non, mais sans dire exactement le montant, on peut dire que c'était. Ils l'ont fait au lancement du Patreon. Ouais, ils ont été là dès le début. Et ça, c'était très cool. Après, par rapport à ce que le Patreon est devenu aujourd'hui, on peut dire que c'est surtout le Patreon qui finance Fin du Game. Ouais. Et d'assez loin quand même. Bien sûr. Oui, c'est vraiment la colonne vertébrale, les bras, le bassin, le Patreon. Mais Ferd, il nous apporte, c'est le petit truc en plus. Nous, on trouve ça logique en final de parler d'eux. Bon, alors évidemment, le fait que j'ai édité des bouquins chez eux, ça tombait un peu sous le sens. J'étais pas vraiment dans cette espèce de gros conflit. Mais ça permet aussi de récupérer les livres. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Ferd Edition en France, ça fait partie des quelques éditeurs qui permettent. C'est les dealers de livres. Ouais, c'est les dealers de livres. Donc quand tu veux des trucs un peu poussés, poussées de jeux vidéo, mais qui sont encore accessibles, parce que évidemment qu'après, sinon, on pourrait aller taper sur les bases de recherche de thèse ou de mémoire de master. Mais excellent. Et l'auteur est là en plus, incroyable. Derrière le rideau. Ah, pour les personnes qui écoutent en audio, je viens de montrer le Witcher. Mais c'est vrai que c'est pas très radiophonique tout ce qu'on vient de faire, mais. Et du coup, vous m'avez fait perdre mon fil. Ah oui, sur les histoires de. Voilà, le fait qu'aujourd'hui, quand on cherche une info assez précise ou intéressante, un peu poussée sur du jeu vidéo, mais qui reste quand même assez accessible à du grand public, parce que c'est vrai que bon, si on doit commencer à se taper des thèses et des trucs comme ça, c'est un autre niveau. Hein. J'en ai lu pour justement écrire celui-là ou celui sur Diablo, c'est quand même costaud. Là, je trouve qu'ils ont un bon placement, Ferd, avec cette histoire d'essayer de vulgariser des choses là-dessus. Et puis, ils s'intéressent à plein de jeux qui sont cool et qui, en fait, qui matchent bien. Qui matchent bien avec ce que nous, on appelle les jeux fins du gameable. Donc, ça, jusqu'à présent, ça se passe bien. Et puis, je pense qu'on espère qu'ils vont rester avec nous. Oui, et puis on peut le dire. Il y a des gens qui demandaient s'ils nous donnaient des directives. Franchement, ils sont ultra cool. Enfin, vraiment, c'est vraiment à la cool. Voilà, moi, je leur demande les actus. Voilà, quelle est un petit peu l'actu. C'est vraiment juste cette relation-là qu'on entretient avec eux. Donc, c'est très, très sain. Et voilà. Oui, le rapprochement, il était assez naturel aussi. Quand on dit, c'est des bouquins qu'on a pu lire, qu'on recommande largement. Et puis. Comme on dit, il y a une approche un peu similaire du jeu vidéo et c'est assez naturel. Parce que ça parlait aussi éventuellement d'autres sponsors ou quoi. C'est vrai qu'on se verrait pas faire la pub pour des trucs qu'on recommanderait pas, des choses qu'on n'aimerait pas. Bienvenue sur SudVPN. Mais on le dit, on fait quand même un nombre d'écoutes qui nous permettrait de mettre de la pub On se fait draguer en ce moment. Grosse réalité, c'est-à-dire que tous les mois, effectivement, si on voulait faire les gros schlags à courir après la thune, fin du game nous le permettrait. On pourrait avoir des publicités, des spots publicitaires en plus, mais nous on s'est dit, bon, on fait déjà quand même chaque épisode, on parle du Patreon, déjà ça, il y a des gens que ça peut faire chier, hein, c'est une réalité. Il y a un côté décomplexé quand même, pour être honnête, où nous, on a déjà nos projets un peu chacun de notre côté, et là, avec Fin du Game, on peut se dire, bon allez, on parle du Patreon à chaque fois, on va voir un peu ce que ça donne, parce que c'est jamais évident de demander de l'argent quand même, c'est jamais un sentiment hyper agréable, et ça a été l'occasion de tester avec Fin du Game, mais chaque épisode, on parle du Patreon, c'est déjà quand même du temps que des gens acceptent pas forcément. C'est vrai que quand on crée les nouveaux fichiers de chaque épisode, c'est bonjour, Fleur, Patreon, musique, et voilà. C'est ça, en plus, ce qu'on écrit. C'est ça, en plus du Patreon, il y a encore Sœur d'édition, on se dit voilà, il y a quand même deux moments qui sont accordés à du sponsoring ou de la pub ou quoi, on essaye en général de varier un peu, avec Sœur d'édition il y a des actus quand même qui peuvent intéresser les auditeurs, et c'est pour ça qu'on les a pris en sponsor, on n'a pas pris n'importe quoi, mais on rajouterait pas en plus un troisième, truc ça commencerait à faire trop, et si c'est un troisième truc, il faudrait que ce soit quelque chose qui nous parle, et quelque chose qui nous parle plus que Sœur d'édition, je sais pas, il y a des choses qui nous parlent autant. Si on se met à vous parler d'aspirateur, ou de canapé ou trucs comme ça, vous allez vous nous prendre ça marcherait pas. Le Patreon marche très bien. Voilà, il y a un truc très simple, c'est que moi je préfère largement remettre mon destin entre les mains des gens qui m'écoutent que de publicitaires qui en ont pas grand chose à foutre de moi à part le nombre d'écoutes que je fais. Là, c'est un vrai deal avec les gens qui nous écoutent, c'est vous qui écoutez l'émission, ça me semble logique en fait que ça soit à vous de demander de la financer, et c'est pour ça que encore une fois, j'ai pas trop de complexe là-dessus parce que j'ai pas envie de vous prendre pour des imbéciles. Vous dire, ça prend du temps de le faire. Si on veut pouvoir vous promettre d'être rendez-vous là deux fois par mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, de pouvoir faire ce podcast sereinement, c'est comme ça que c'est possible. Et en vrai, si le Patreon aujourd'hui il était à que dalle, l'émission n'existerait plus. Je pense qu'il faut le dire, tu vois. Si ça n'avait pas marché, on aurait arrêté. Ça, c'est une réalité. En tout cas, nous on savait quand même assez tôt, parce que ça nous prend du temps sur nos vies perso qui sont très liées à nos projets pro. L'idée c'est quand même qu'à un moment il fallait le financer, qu'on aille faire un Patreon. Si le Patreon n'avait pas marché au bout de 6 mois ou quoi, on aurait eu une discussion, on aurait dit on fait quoi, est-ce qu'on adapte le truc, est-ce qu'on relance le Patreon, qu'est-ce qu'on fait. Il se trouve que ça marche bien, et je dis au cas où on tape un peu entre guillemets sur la pub ou quoi, on a une posture de privilégié, c'est-à-dire que le Patreon il marche bien, bien sûr. Est très content, c'est un privilège que d'avoir un Patreon qui nous permet de refuser ce genre de pub. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas cette chance-là, si on faisait ces écoutes-là, je termine juste en disant si on faisait ces écoutes-là mais que le Patreon marchait pas très bien, on aurait peut-être mis des spots publicitaires. On aurait trouvé une façon de faire, mais c'est vrai que faut le rappeler, des podcasteurs ou des youtubeurs dans des situations précaires, c'est suffit de soulever un caillou pour en trouver 3000. On fait partie des rares personnes en France qui arrivent à vivre de tout ça plutôt sereinement. On s'en sort bien, donc on est très content et on a envie de continuer. Donc on le format, on l'avait pensé dès le début en se disant, bon, si ça marche, il y a moyen que ça puisse fonctionner. On ne s'attendait pas autant, donc on est super content et on a envie de continuer comme ça, quoi. Exactement. Et eh ben écoutez, justement, en parlant de continuer comme ça, on va peut-être enchaîner sur la suite. Attends, on est pile à l'heure. On est un petit peu en retard. Alors très rapidement. Ok, 2020. Qu'est-ce qu'il y avait 2020? On aurait dû finir ça à 18h. Ah mince, c'est pas grave. Alors du coup, revenir un petit peu sur cette année 2020. Oh bon, ça va aller vite. Il y a eu quoi? Vraiment, on va vraiment parler juste de jeux vidéo. Je vais pas vous refaire la blague Covid, désastre, apocalypse. Écoutez-nous sur les petits audiologues. Comment vous avez vécu cette année 2020 pour jeux vidéo? C'était bien? Le jeu vidéo de 2020, c'était Cyberpunk, le mec il lâche tout de suite le truc. Non, mais c'est vrai qu'on se dit souvent, moi en ce qui me concerne, parce qu'on va parler des GOTY. Ce que je peux dire, c'est qu'au dernier épisode de 2019, on avait dit 2020 ça va être incroyable niveau mais jeu oui. vidéo. Mais oui, là j'ai dû popper des. C'est ce qu'on a dit. On a, de l'industrie ou de fin du game? On a dit ça va être incroyable. On se pensait que ça allait être fou. On se disait que voilà, on avait dit, on sait pas comment ça va se passer tout le reste, mais jeux vidéo, on va être gâté. Alors, résultat des alors, mais gâté. Alors, mais gâté, exactement. Pas tant que ça, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment une année particulière. Je vais prendre la parole, il n'y a pas de souci. C'est, bon, évidemment, alors, oui, Demon's Souls, voilà, facile. Okay. C'était le cadeau, tu vois, le truc improbable que PlayStation se dise, hey, on va prendre ce jeu de niche et on va en faire le porte-étendard de notre PlayStation 5. C'était assez dingue. Mais c'est vrai que j'ai pas eu mon Outer Wilds, mon Subnautica, mon Celeste cette année. J'ai pas eu un énorme coup de cœur. Alors je sais que les gens vont dire Hades, machin, etc. Il y a aucun souci. Vous avez le droit de kiffer votre life avec des jeux. Moi cette année, toi tu vois, c'était l'année Metal Gear. Je pense peut-être t'en parleras. Moi c'est l'année réconciliation avec les AAA. Mmh. Parce que du coup le premier confinement, j'avais vraiment besoin de m'échapper d'un point de vue plus plus psychologique, on va dire, en mode psycho de comptoir. Et donc, où j'ai découvert Horizon Zero Dawn avec le fait qu'on allait en parler dans l'épisode, et j'ai adoré, je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu-là. Dans la foulée, j'ai fait Ghost of Tsushima, rejoué à des Assassin's Creed, enfin, je me suis tapé quelques gros AAA monde ouvert, qui, il y a encore quelques années, me sortaient par les trous de nez, et en fait, je me suis dit, il y a quelque chose, ça me plaît bien. Donc, c'est un peu mon année, AAA open world et mode photo, comme il le dit sur le chat. Donc, voilà, une année un peu... je pense que l'idée de s'évader, de profiter du jeu vidéo pour s'évader, pour se changer les idées, je pense que ça colle bien avec ce que j'ai vécu, parce que les confinements, ça n'a pas été évident. Je pense que pour tout le monde, c'était complexe. Moi, le jeu vidéo, il m'a servi à ça, cette année, clairement. J'ai pas eu un jeu qui m'a vraiment retourné le cerveau. Par contre, je me suis beaucoup amusé, je me suis beaucoup évadé grâce à ça, quoi. Et toi, Maxime. Et toi, Laurent. Parle-nous. Non, mais c'est vrai que moi, cette année, je l'ai vécu, je l'ai pas trouvé hyper stimulante. C'est compliqué en termes vraiment d'affect personnel. Il n'y a pas un jeu où je me dis, oui, ça c'est le GOTY, ça j'ai adoré, ça, voilà. Après, d'un point de vue stimulant, pour du fin du game ou pour créer du discours autour, il y a eu des jeux intéressants, hein, typiquement Last of Us 2. Moi, Last of Us 2, c'est pas un jeu que j'ai particulièrement aimé, mais je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes à dire dessus, des discours qu'il a créés consciemment ou malgré lui, tout ce qu'il y a eu autour, il y a plein de choses cool à en dire, et on en parlera dans cette émission un jour, bien sûr. Mais au-delà de ça, ouais, t'avais fait un tweet à un moment où tu dis, voilà, Cyberpunk n'étant pas visiblement le messie annoncé, c'est Hades qui devient le GOTY. Ouais. Et en fait, moi j'ai un peu ça, Hades, je trouve très bien, hein, et ce sera par défaut un peu mon GOTY si je devais faire une liste ou quoi, mais c'est pas un jeu, tu vois, c'est pas le Outer Wilds de 2019, où vous, en 2019, vous aviez adoré Death Stranding, Hugo beaucoup plus, mais toi t'avais adoré aussi, moi je l'avais pas aimé, mais beaucoup plus, mais moi j'avais pas du tout aimé Death Stranding, mais il y avait ce côté, oui c'est cool le jeu vidéo il fait ça, c'est une proposition intéressante, il y avait aussi, moi j'étais pas encore rentré dedans encore une fois, mais j'attends juste la bonne motive, mais il pouvait y avoir un Disco Elysium qui a été cité souvent dans le chat, faudrait que je reprenne ma partie un jour, incroyable, quand je voudrais, mais voilà, on finissait sur des jeux que je trouvais bien intéressants. Et là, à part peut-être un Last of Us 2, Cyberpunk aussi, alors j'ai pas encore joué, j'y jouerai alors pas avant février-mars à mon avis, vu ce qui se tape en termes de perf. Je pense qu'il va aussi créer des discours intéressants, mais un peu malgré lui. On va le laisser un petit peu infuser pour l'instant. C'est ça, on va attendre un peu, je vais attendre que ça se tasse, puisque voilà, c'est fin du game, donc on en parlera pas avant fin 2021, si jamais on en parle. On se laisse quoi, 6 mois en général, Je pense que ça, on peut le dire, effectivement, Cyberpunk 2077, sachant que en fait, la vraie version va sortir sur les PlayStation 5 et Xbox Series. Ce sera en juin. Donc j'imagine que ce sera peut-être une manière de terminer l'année 2021. Voilà, si, ouais, si on est toujours en vie d'ici là, ce sera peut-être ça, effectivement. Ouais. Et toi, Hugo, 2020 ? Bah, comme vous deux, vraiment, je pense qu'on est vraiment tous les trois d'accord là-dessus, sur ce truc qu'on n'a pas eu un GOTY intersidéral, un truc qui nous a qui nous a vraiment retourné le cerveau. Moi, c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu Disco Elysium, Death Stranding et Outer Wilds, donc c'était quand même, j'ai pris quand même une grosse décharge dans la tête. Et chaque année, en général, j'ai au moins un jeu qui me... Enfin, non, c'est pas vrai, c'est pas chaque année, mais tu vois, en 2018, il y avait eu quoi ? Il y avait eu Céleste, qui était quand même, qui était quand même vraiment chouette. J'avais eu Obradine aussi, moi, que j'ai beaucoup aimé. Il y avait, alors nous, il y avait Red Strings Club, qu'on avait bien kiffé. Qui était chouette, mais ça m'avait pas non plus. Mais ouais, je crois que c'est 2018. Alors nous, on avait un peu moins aimé. Mais God of War, c'était le jeu de 2018. Voilà, c'était le jeu. Mais Dead 2, peut-être, t'as oui, donné, ouais. mais c'était pas, ça m'a pas retourné le truc. Mais voilà, il n'y a pas eu un énorme coup de cœur comme ça. Et effectivement, par défaut, je dirais que c'est Hades. Je trouve que c'est un jeu excellent qui arrive vraiment à faire des choses incroyables dans le roguelite, qui n'est pas un genre que j'aime particulièrement. Et pourtant, lui, il y arrive. Mais du coup, c'est vrai que moi, le confinement, ça a été vraiment l'occasion de dire « Ah bah du coup, il n'y a pas The Last of Us 2 », bah du coup, parce que tous les projets ont été retardés, oui. Et c'est vrai que j'avais un peu mon planning de jeu qui était fait en fonction de ces gros titres, et au final, j'ai eu de la place, et voilà, moi j'ai été super content, vraiment, ça a été l'année Metal Gear Solid, ça a été l'année Kojima, parce que j'ai terminé avec Death Stranding, et du coup, ça a été tellement un énorme coup de cœur, je me suis dit « Bon, c'est le moment d'aller faire un petit peu la ludographie du gars », et voilà, MGS 1, 2, 3 cette année que j'ai fait, j'avais fait le 4 et le 5 à l'époque de leur sortie, me demandez pas pourquoi j'ai fait ça comme ça, c'est la vie, et ouais, c'est vrai que ça a été vraiment mes jeux de l'année, donc voilà, 2020, une année un peu... pas en demi-teinte, parce que je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de bons jeux auxquels j'ai pas forcément joué. Il y a eu Doom Eternal, Yakuza 7, enfin il y a plein de titres. Remake, tu vois, voilà, il y en a eu quand même. Et tout, mais... The Last of Us 2, je l'ai aussi bien aimé. Hein. Les gens croient que je n'aime pas The Last of Us 2, mais en fait c'est un jeu que j'aime bien en tant que tel. Non, mais c'est juste qu'il n'y a pas ce jeu qui met tout le monde d'accord. Voilà, c'est ça, ou tous les trois. Vraiment, tous les trois d'accord, même juste individuellement. Moi, ma liste de GOTY, elle est pleine, tu vois. Je pense que si j'y réfléchissais, je pense que c'est peut-être Ghost of Tsushima, un des jeux que j'ai le plus préféré. Alors que sur le papier, bon, c'est qu'une énième variante de ce qu'on connaît d'Assassin's Creed. C'est juste qu'il y arrive un peu mieux, il a cette petite patte, il a la musique, il a le côté visuel. Mais bon, faire un GOTY pour un mode photo, ça me paraît. Tu vois, c'est parce que cette année finalement j'ai pas joué aux jeux vidéo de la même manière, mais c'est pas grave, on a qu'à dire que 2021 ça sera incroyable. Non, et puis c'est une année de transition, je pense quand même, voilà, il y a une nouvelle console, voilà, il y a eu le Covid, forcément ça a foutu un peu le bordel, mais c'est vrai que c'était une année un peu de transition, donc voilà, se répercuter sur 2021, hein, parce que le Covid, il faut bien vous dire là, pendant 6-8 mois, on n'aura jamais de date de sortie. On va avoir une période, et les gens vont espérer sortir le jeu à ce moment-là, et ça sortira s'ils y arrivent, parce que ça va être un peu compliqué. Hein. Bah, y avait ça en encart, là, il y a eu le Nintendo Indies, ou je sais plus trop quoi, qui a été diffusé hier. C'était hier, ouais. Et juste avant, il y avait, voilà, à cause du Covid, gardez bien en tête que toutes les dates annoncées là peuvent être décalées. Quoi. Donc, c'est ça. Parce qu'il y a plein de jeux, ils peuvent continuer de bosser à distance, il y a tout un tas d'aspects des gros jeux, tout ce qui est AAA, tout ce qui est enregistrement, motion capture, doublage, cinématique, etc. Vous oubliez, hein, ils n'ont rien pu faire à cause du confinement, à cause des maladies, donc ils prennent du retard sur ça. Ça pose tout un tas de problèmes aux studios qui doivent repenser leur planning de production. Donc voilà, va y avoir du retard sur pas mal de jeux, c'est quelque chose auquel il faut s'attendre, mais ça va laisser du temps pour faire d'autres trucs. Tu vois, là, je me dis, j'ai pris Yakuza 7 à force de lire des bonnes recommandations dessus. Va y avoir d'autres jeux que je vais essayer de faire du backlog, parce qu'il y a eu tellement. Justement, il y a eu des gros mastodontes, mais du coup, je suis passé à côté d'autres petits jeux. Il y a, j'en voyais qui en parlait sur le chat, donc c'est 13 Sentinelles à Aegis Kim, qui est un visual novel de VanillaWare qui, a priori, est incroyable en termes d'écriture, et moi qui suis quand même assez fanat de manga, ça se voit sur le décor, j'ai très envie de le faire, mais il faut trouver du temps, parce qu'il y a aussi le mood, hein, et c'est vrai que quand t'es confiné chez toi, il y a des jeux, moi j'avais pas envie de les faire, il y avait vraiment des trucs, tu vois The Last of Us 2, j'ai attendu avant de le lancer, parce que je me suis dit ça va être la déprime, donc j'ai attendu un petit peu. C'était pas du tout la déprime au final, c'était la joie, c'était la joie quand même, hein. À la fin, quand ils sauvent le monde et que les infectés et que ils revivent tous, c'était vraiment bien. Bon, de toute façon, là, les jeux finalement fin du gameable, hein, de l'année 2021, vous les avez un petit peu entendu. The Last of Us 2, c'est déjà annoncé. Mais qu'est-ce qu'un jeu fin du gameable ? Mais qu'est-ce qu'un jeu fin du gameable ? C'est un jeu, c'est un jeu qu'on a décidé de faire fin du game avec. Voilà, je pense que ça permet de bien résumer. Mais c'est aussi simple. Non, mais cette année, je pense qu'il y a des évidences en fait. Certains jeux dont on ne pourra pas passer à côté, The Last of Us 2, FF7 Remake, ça c'est déjà annoncé. annoncé. Demon's Souls, je sais pas si on le fera, parce que c'est vrai qu'il y a déjà quelques From Software, ils ont déjà... Le studio, ouais, apparemment, est un petit peu privilégié dans cette émission, je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Cyberpunk 2077, on a déjà expliqué que finalement, ce sera probablement fin de l'année prochaine, si on doit en parler, en attendant que tout le monde puisse y jouer, en fait, tout simplement, vous comme nous. Ouais, c'est ça, il n'y a que Benoît qui y a joué pour l'instant, Hugo et moi, on peut y jouer, mais déjà, moi, j'ai dit, moi, j'attends au moins mars. Moi, j'ai pas la bécane pour faire tourner là, ouais, c'est impossible. Parce que oui, alors juste, c'est une question qui a été posée, c'est est-ce qu'on finit les jeux à 100% ou quoi? Si on ne platine pas, on ne parle pas. 100% non, mais en général, on a une règle, c'est qu'il faut qu'il y en ait 2 sur 3 qui aient fait le jeu, donc au moins la trame principale, etc. Et s'il y a un troisième qui joue et qui aime pas ou qui n'avait pas aimé à l'époque, c'est pas grave, il y a Internet, il y a les autres, c'est bon, mais en général... Je crois que pour tous les épisodes, ça a été ça. Il y en a eu au moins 2. Souvent, c'est 3. C'est mais ça, c'est arrivé qu'il y en a la plupart du temps, on les a tous les 3 finis. Ça, c'est la réalité. Mais par exemple, Death Stranding, moi, j'avais arrêté. Toi, t'avais arrêté, voilà. Mais moi, Skyrim, je n'ai pas joué 150 heures dessus. Final Fantasy VII Remake, je vais y jouer en janvier. Vous l'avez fait tous les deux. Voilà, je me garde le veto. Si au bout de 10 heures, j'en peux plus, j'arrête. Mais ça, c'est bien parce que du coup, on essaye de faire tourner aussi. On sait qu'il y a des jeux qui vont être plus difficiles. Je sais qu'un jour ou l'autre, tu vois, on va vouloir se pencher sur Red Dead 2. Pour moi, ça va vraiment être compliqué. Vous, vous les avez déjà fait, donc je vais pouvoir me reposer sur vous. Et à l'inverse, il y a des jeux comme ça, vous pouvez me reposer sur moi, sur Max. Enfin, c'est... Là-dessus, on est assez flexible. C'est cool d'être 3 pour ça. Qu'est-ce qu'on avait prévu d'autre sinon là dans les... Ah oui, on avait chacun notre petite liste perso, c'est ça. Ou on a déjà cas, finalement oui, mentionné un petit peu de manière. Moi j'avais rajouté, ah oui, Haven, c'est vrai que ça c'est un jeu qui est sorti récemment. Je suis en train de le taper. Je suis à la fin, quasiment. C'est sympa, hein. Ouais, c'est cool. Moi, franchement, il y a est-ce que c'est fin du gameable? Je pense, oui. C'est fin du gameable, donc voilà, c'est annoncé ici. J'ai fait Call of the Sea il y a pas longtemps. Call of the Sea qui vient de sortir. Lovecraft, ambiance, des énigmes un peu old school, un peu Walking Sim. Il n'y a pas tout qui est réussi, mais il y a des petites choses intéressantes à en dire, donc il y a des petites choses, Noita, là je vois quelqu'un sur le chat, je sais pas si c'est un jeu qui est fin du gameable, du roguelite pur, sans aucune histoire, etc. Des fois, les jeux purs gameplay, c'est compliqué. On l'a vu avec Mario, on a préféré faire 3 jeux pour avoir assez de choses. Là, c'est l'occasion de rebondir sur une autre question que j'avais vue qui parlait des jeux de combat. Bah, encore une fois, c'est compliqué, oui, il y a sûrement des choses à dire dessus, mais déjà toute la partie histoire, ça squeeze. On peut parler un peu de la narration, superbe histoire, c'est Ryu en fait, et Ken, ils sont comme ça. 6 heures d'épisode et sur les c'est leur papa. Mais non, c'est sur le drame de la famille Mishima, tu vois. En vrai, c'est intéressant de voir comment les jeux de combat racontent des choses par leurs personnages, leurs movesets et tout, et les backstories qu'il y a derrière. Il y a des choses à dire dessus, mais un jeu de combat de base, c'est compliqué. Et du coup, Noita, alors je l'ai pas encore fait, je l'ai acheté, mais je l'ai pas encore fait. Ça, c'est effectivement ce genre de jeu, je l'ai pris, mais je me suis dit, bon, il y a moyen que ce soit pas fin du gameable parce qu'effectivement, c'est beaucoup de gameplay, et il y a pas non plus 1000 trucs à dire dessus, quoi. Voilà, bah on avait dit quoi toi, Maxime, petite liste, Maxime? Moi, alors c'est des jeux que j'ai pas forcément bien aimés, mais qui sont fin du gameable. Je commence par le premier, c'est... Vous allez voir, on va entendre des gens parler au marché, tu sais, qui achètent leurs baguettes et tout, et alors c'est fin du gameable. c'est un mot, on va infuser comme ça, vous voyez, le vocabulaire dans le langage courant. Dans le paysage vidéoludique, est-ce que c'est fin du gameable? Et bien, il y a The Longing. The Longing, donc c'est un jeu, comment présenter esthétiquement The Longing? Un peu point and click, on va dire, en gros, mais ça très BD. Light. Ouais, c'est BD, les dessins sont assez jolis, il y a des bonnes ambiances, mais le twist, c'est que le temps du jeu, c'est notre temps réel, et que le synopsis de base, c'est qu'on va devoir attendre 400 jours. 400 jours dans le jeu, et donc 400 jours en temps réel. A priori, il n'y a pas moyen de tricher avec l'horloge ou quoi. Et il se passe des choses, on est dans une caverne, il y a des salles à visiter ou quoi, sauf que c'est très lent, en fait, le personnage se déplace très lentement, le jeu il joue dessus, parce que parfois on ouvre des portes, et ça met vraiment 20 secondes, ou 30 secondes, ou une minute avant que ça s'ouvre, c'est hyper lent, moi je déteste, vous avez le fin du game dessus, c'est pas un défaut du jeu ou quoi, c'est vraiment un parti pris de mettre le temps et la longueur dans le gameplay, moi ça me parle pas du tout, je suis assez impatient en fait quand je joue, je suis pas quelqu'un d'hyper patient dans le jeu vidéo, et ça me parle pas du tout, mais vraiment, moi j'ai joué 10-15 minutes, je crois, j'ai dit, ok, je fouille un peu. T'as décidé au bout de 10-15 minutes. Moi, j'ai sorti d'une pièce. Moi, je suis en mode. Tu devrais tester. Si j'attends. Non, mais si un bus qui est pas là, moi, tu sais, je suis en mode, si dans 10 minutes il est pas là, je me casse, tu vois. Moi, je pense comme ça. Et là, j'ai dit, bon, je fouille un peu. Dès que j'arrive à un cul-de-sac et je dois faire demi-tour, j'arrête de jouer. Je fais pas demi-tour ou quoi. Moi, j'ai joué pendant un mois. Alors, en tout, j'ai peut-être joué 4-5 heures, en fait, où je revenais, parce que c'est un jeu que tu relances comme ça, comme un jeu mobile, en fait, où tu urgences 30 minutes pour voir où il en est le bonhomme, ou si le truc à côté duquel tu lui a dit d'attendre est tombé. Mais c'est un jeu qui clairement essaye des choses en termes de design, en termes de visuel, en termes de narration qui sont top. Donc ça, c'est clairement un jeu dont on pourrait parler. Non, c'est ta liste à toi, du coup. Oui, oui, non, mais je peux le dire. C'était l'autre jeu que toi t'avais choisi, c'était Spiritfarer. Ouais. Qui moi m'a déçu personnellement, ah, ouais, mais ouais. Du coup le fait que ça m'ait déçu, ça le rend fin du gameable, parce que du coup il y a des choses à en dire, parce que c'est un jeu qui traite d'un sujet qui est assez difficile, qui est la mort et comment on vit en fait la disparition de nos êtres chers. Donc ça, déjà rien que ça, c'est un sujet qui est assez sérieux, pour que ça soit intéressant de l'aborder, et qui est présenté comme une espèce de Metroid-like un peu, hein, avec une espèce de gestion. Enfin, c'est un jeu qui est très long, trop long malheureusement je trouve moi, mais par contre en termes d'écriture, en termes de dessin, enfin il se passe plein de trucs. Donc ça, voilà, ça fait partie des jeux dont on sait qu'on pourra peut-être parler, même si bah, c'est pas des jeux qu'on a adorés, mais ils ont quelque chose à raconter, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est aussi quelque chose qui rend un jeu fin du gameable, c'est que l'histoire du studio, elle est intéressante. C'est des gens qui ont fait des jeux qui n'ont rien à voir. Et oui. Ils ont fait, c'est le Jotun, là, l'espèce de boss rush. Ah, Jotun, là, ouais. Le truc. Et j'ai oublié le nom. Sundered. Sundered, voilà. Qui est un roguelike. Qui est un Metroidvania roguelike. Ça se voit dans la patte, dans la DA, puisque c'est du dessin animé, vraiment, enfin, une patte dessin animé, c'est de l'animation 2D, et ça se retrouve dans Spiritfarer, mais là on n'est plus du tout dans du combat, dans les trucs comme ça. C'est vraiment, comme dit, c'est le deuil, c'est assez choupi et tout, donc c'est intéressant en fait. C'est ça un jeu fin du game, c'est un jeu qui est voilà, qui nous interpelle par quelque chose dans sa proposition. Ouais, c'est ça, c'est sûr que si on parle, je sais pas, du 83 000e clone de Mario, s'il change rien par rapport à la formule, bon, c'est des jeux qui a priori vont pas forcément nous intéresser. Par contre, quand tu prends Mario mais que tu parles de la dépression et que ça donne Céleste, bah là, hop, voilà, ouais, il se passe un truc et on se dit, bon, il y a ce petit. Il y a ce petit X-Factor qui fait qu'on a envie de le fin du gamer. Exactement. C'est un verbe du premier groupe. Hein. les conjugaisons sont les mêmes que d'habitude. Voilà. Et puis du coup, bah, moi j'avais déjà mentionné Discroom, mais comme je le disais, bah, c'est un jeu qui est un petit peu court, parmi tous les autres jeux qu'on a déjà cités. Mais celui que j'ai vraiment retenu, qui je pense devra avoir son fin du game, c'est Kentucky Route Zero, qui s'est enfin terminé en début d'année. C'est un jeu dont le développement a commencé en 2013. Le développement a commencé encore plus tôt. C'est le premier épisode qui est sorti en 2013. Il y a 5 épisodes. C'est ça, il y a 5 épisodes. Ouais. Et du coup le dernier est sorti en 2020 et du coup je l'ai fait, et c'est vrai que c'est un jeu qui est très particulier, qui reprend le point and click et qui le twist un petit peu à sa façon, qui joue aussi beaucoup sur les habitudes qu'on a dans les choix des dialogues dans les jeux vidéo, et qui joue un petit peu là-dessus, mais c'est un jeu qui est très intelligent entre guillemets. On sent que c'est très référencé, que c'est des gens qui aiment le théâtre, etc. Donc c'est un jeu qui m'a un peu perdu, je pense, à dessein parfois, et peut-être parfois parce que j'avais pas les bonnes références, mais c'est un jeu qui est vraiment unique, et je pense que clairement il mériterait un épisode par sa proposition. Et puis c'est vraiment un de ces jeux, tu sais, le jeu vidéo préféré des gens que t'aimes bien, qui font des jeux vidéo, quand tu regardes les listes des développeurs, des narrative designers, enfin Kentucky Road Zero, c'est quasiment le passage obligé. C'est un peu un jeu, le jeu de hipster, quoi, mais je pense que ce sera cool de le faire dans fin du game. Est-ce que ce sera en 2021, je ne sais pas. Bon, on n'est pas encore allé si loin que ça. On a, là, nous, en interne, donc là, les jeux qu'on vous dira pas, on vous dit 4 jeux à l'avance, mais nous, on essaye de prévoir plutôt une dizaine de jeux à l'avance pour nous laisser du temps en termes de temps de jeu. On fait aussi par rapport à nos temps perso. Je crois qu'on est quoi, jusqu'en avril, à peu près En mai, je crois. Je crois qu'on a bouclé, mais après, en général, l'été, on essaye de faire des trucs un peu expérimentaux, parce que ça dépend évidemment de notre temps, de ce qu'on fait. On va voir comment ça se passe l'été cette année. Voilà. Si on touche du bois, si on peut sortir de chez nous, qu'on peut faire des choses, qu'on peut voir nos familles, etc. Peut-être qu'on en profitera cet été pour prendre peut-être un moment de souffle après tout ça. De toute façon, je crois qu'on les a un peu dit, hein, ceux qu'on avait vus. Il y en aura forcément d'autres. Hein. Je vois The Pathless, moi j'avais noté. C'est vrai que c'est un jeu que j'avais trouvé plutôt sympa. Il y aura d'autres jeux que j'ai pas encore essayé, mais qu'on découvrira. Donc voilà. De toute façon. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a tellement de jeux qui sortent que de toute façon, à force de se renseigner, à force de travailler sur fin du game, on s'ouvre en fait tous les trois à d'autres choses du jeu vidéo. Ouais. On découvre des facettes du média qu'on connaissait pas, auxquelles on n'était pas forcément sensible avant. Est-ce que j'aurais pu apprécier Horizon Zero Dawn il y a 5-6 ans? Je pense que non. Est-ce que tu aurais pu apprécier Metal Gear il y a quelques années? Je sais pas. Enfin, tu vois, c'est ça qui est cool, c'est que à force de continuer de faire les épisodes, on apprend des choses sur nous, sur le média, et ça enrichit notre recherche et ça nous donne envie de découvrir d'autres choses. Donc moi c'est ça que j'adore avec cette émission, et je suis trop content, enfin vraiment, de vous habiter. On habite tous les trois au même endroit au moment où on se rencontre, parce que du coup on peut participer à ça, et moi ça me fait plaisir, quoi. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour cet épisode bonus. On avait dit ce qu'on avait envie de dire. Voilà, teaser la blacklist, c'était important. Oui, pour les rappels, voilà, la blacklist qui sera établie dans les jours en début 2021. Normalement, voilà, ça devrait être bon. Voilà, ouais. On mettra ça en place sur le Patreon. On en parlera évidemment sur notre Discord. Vous pouvez nous rejoindre là-dessus si vous voulez déjà savoir de quel jeu on va parler dans les deux mois qui arrivent. Même si on les a déjà plus ou moins annoncés dans cet épisode, et puis voilà, pour discuter de tout ce qui est sorti. Et puis voilà, c'était un petit épisode bonus un peu à la cool. Voilà, encore une fois, on s'excuse, le son ne sera peut-être pas aussi clean qu'il l'est d'habitude grâce à notre ingénieur son, mixeur, monteur incroyable. Et puis voilà. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a... Moi, comme dit, j'étais content de vous remercier, de vous dire à quel point je suis content de faire l'émission. On se le dit des fois, mais voilà. Non, mais ce qui est con, c'est qu'on se le dit vraiment entre nous, c'est qu'on se dit qu'on a de la chance en fait. Cette émission fonctionne. Et c'est pour ça vraiment qu'on avait envie de faire ce petit épisode. C'est vrai que peut-être ça saoule un peu les gens qu'on soit toujours dans l'auto congratulation, tu vois, que tout se passe bien et tout, mais c'est vrai. Et en fait, par rapport à tout ce qu'on peut faire à côté, ou voilà, dans les sphères YouTube, c'est tellement plus difficile d'exister, de se faire remarquer, de survivre. Là, c'est vrai que faire un podcast où tout roule en fait assez bien, voilà, vous êtes alors là, qu'on est arrivé, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, on est arrivé, on s'est dit, mais ça y est, c'est bouché, c'est terminé les podcasts, tu vois, parce que tout le monde lançait ses podcasts à ce moment-là. Et on avait encore, l'impression, oui, c'est vrai qu'il y avait tout le monde qui sautait dans ce train là, mais voilà, nous on a pris le bon wagon, exactement, on a choisi le bon truc. Et le wagon du paysage. Exactement. Rejoignez-nous. Viendez ma bande. On va remercier le chat qui a été là, qui nous a accompagnés tout au long Merci de cette émission. Merci pour tous vos retours cool. Hein. On les a pas forcément lus à voix haute ni quoi, mais bon, je pense qu'on a vu beaucoup de messages très sympas. Et on était nombreux, presque plus de 900. C'est beaucoup, effectivement. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre page Patreon pour nous soutenir, parce qu'on ne perd pas les bonnes habitudes. Pour nous soutenir en 2021, le programme va être en plus, je le dis tout le temps, de toute façon, il est incroyable, mais en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire des événements dans Fin du Game, car chaque épisode est un événement. Comment faire la différence quand tout est grandiose, je ne sais pas. voilà. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve très vite pour le premier épisode de l'année 2021. Ouais. Le replay, juste pour dire, voilà, en toute fin, vous êtes en train de nous écouter sur Twitch plutôt pour les gens qui sont en direct, ça sera dispo sur la chaîne YouTube de Fin du Game et également dans votre flux habituel, podcast, Spotify, iTunes, Podcast Addict, n'importe quelle appli, on est partout maintenant, donc voilà, il n'y aura aucun souci là-dessus. Merci beaucoup les gars d'être passés chez moi pour ce setup incroyable. Ah bah oui. Et merci beaucoup, et puis à la prochaine. Ciao. Salut, merci.